Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Écoutez, bah voilà. Adrien, ça va? Ça va Adrien? Je suis négatif. Oh non, t'as un cœur noir, en fait plus. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un épisode qui, différemment d'habitude, j'ai l'habitude de le présenter avec un co-host. Cette fois-ci, le co-host est Adrien Méniel. Oh, la surprise. Oh, le twist. Wow. Yes. Waouh. Oh, le twist. Waouh. Adrien. C'est un oh, même putain, Twitch. Mais tu l'as bien fait. Ouais, je sais. On aurait dit le vrai. Adrien, non. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis Adrien Méniel, je suis astrologue sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Tu me dis ta date de naissance, je te dis ta personnalité. 30 mars 1987. T'es assez cachotier. Oh. Ouais. Non mais pardon, attends. Je trouve plus possessif, le terme. Non, non un peu astucieux, tu vois. Non, espiègle. Voilà, malingre. Non, espiègle. D'accord. T'es espiègle et puis bah quand un film est triste, n'hésite pas à pleurer quoi. Quentin, film est triste, c'est mon nom. C'est mon nom. Waouh, wow. La transition est toute faite. Et toute faite que nous sommes avec Muid. Ouais. Moi j'ai un seul cri de quand je suis vraiment très très content, c'est wouhouhouhouhou. Il est super. C'est vachement génial. Je vais le faire plusieurs fois, ça, vous me reconnaîtrez comme ça parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 micros. Oui. Et c'est également ton rire. Yes. Mid, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis musicien. Certaines personnes quand ils me croisent dans le métro et qu'ils veulent me serrer la main parce qu'ils me reconnaissent, ils me disent c'est toi MYD, ah, c'est toi Mid, et je leur dis non c'est moi Mid, donc ça s'écrit MYD mais ça se prononce Mid, et puis voilà, je suis musicien, principalement de musique électronique, principalement DJing, bien sûr, et puis tout, la vie est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Nous sommes également avec Lou Howard. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Lou, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oh bah, je m'appelle Lou Howard, je suis comédienne et je suis vidéaste également et je fais de la musique aussi. Voilà. Excuse-moi, mais combien de cordes as-tu à ton arc, je peux savoir? Du coup, 3. Ouais, c'est déjà énorme. C'est bien. Ça fait une petite mini harpe, c'est oui, pas mal. C'est très joli, c'est très bien. D'ailleurs, mignon. Cette expression. Pourquoi on dit plusieurs cordes à son arc alors que c'est pas très pratique d'avoir plus d'une corde à un arc? C'est galère. Tu peux tirer 3 flèches peut-être en même temps. Bah, est-ce que c'est... Moi je pense qu'en fait les cordes elles font pfff et il y a aucune corde qui part quoi. Oui. C'est... Moi je dirais. C'est pour ça que dans une chanson, Rof il dit j'ai plus d'une flèche à mon arc et c'est plus logique. Malin que de mettre plusieurs cordes. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Non, bah, mais... Dans ta grosse gueule, Bernard Pivot. En fait, non. Au Moyen Âge, ils avaient plusieurs cordes de formes différentes, enfin de largeurs différentes. Laissez-moi finir ma blague. Pardon. Et donc alors? Il avait dit qu'il était espiègle ou pas? Voilà. Il est né le 30 mars, c'est pour ça. 1987. Merci à tous. Salut. Bravo. Non mais moi j'avais entendu une légende sur les arcs qui était en gros que le doigt d'honneur. Non, ah oui, mais c'est, oui. Je crois que c'est une légende urbaine. Ah que, oui, en fait, c'est faux. C'est, les mecs, en fait, je sais pas, tu l'as déjà entendu, cette légende urbaine du coup, Lou. Vas-y, qui, raconte. Qui est en gros, des archers tiraient extrêmement bien avec le majeur. Et du coup, quand ils se faisaient kidnapper par, j'ai envie de dire, le groupe adverse, le groupe leur coupait le majeur en mode vous ne pourrez plus jamais tirer aussi bien. Ah, mais j'ai entendu cette histoire. Ouais. Et du coup, eux faisaient des honneurs en disant on a toujours notre doigt et il représente notre honneur. C'est complètement faux. Ouais, je crois que c'est faux. Ouais. Ouais. Moi, j'avais entendu une légende sur les arcs comme ça, comme quoi c'était une station de ski. D'accord. Il y a une connexion là, on est en Bluetooth. Ouais, avec Adrien, on est en Bluetooth. Depuis le temps. Pour info. On est des frérots. Il est possible que je chiale. Nous sommes également avec Pierre Lapin. De retour. Pierre, peux-tu te présenter? Un minéral, un animal, c'est Pierre Lapin. Pierre, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? On a déjà fait les couvre-chefs, on a déjà fait les cordes à arc. Bah, je suis un slasher en fait. Comme un film où il y a des meurtriers qui tuent des adolescents. Parce que tu as. Oui, voilà. Je suis photographe, vidéaste, streamer. Un couteau suisse quoi. Voilà, comédien, puisque j'ai fait 3 vidéos YouTube. Et puis voilà quoi. Oui, on est bien. Une caméra cachée sur Golden Moustache. Exactement, ce qui était vraiment le pic de ma carrière en fait. C'est après vraiment. T'es web comedy awards à toi. C'est exactement, ouais. Bah, la dégringolade. Qui devait être la catapulte en fait. Voilà. le lancement d'une chaîne incroyable avec un collègue. Et puis non, bien sûr que non. Et donc voilà, bah voilà. Et puis je suis un habitué du Floodcast, quoi. Bah, pour... Oui, ça y est, t'es notre. Je suis un meuble. Non. Je me demandais. Ah, pardon. Est-ce que c'est pas toi qui est venu le plus souvent? Non, je crois que c'est Lucien, parce que quelqu'un a fait des stats dans le Discord du Floodcast. Magnifique. Et je crois que là, je talonne peut-être Lucien, mais je crois que Lucien est toujours chef. Ouais, je pense que ouais, ça tourne autour. Ouais, ouais, je crois qu'on est pas loin. Moi, je suis à 5 et Lucien doit être à 6 ou un truc comme on ça. On doit être sur un truc un petit peu comme ça. Parce qu'il est venu au geek aussi, toi. Toi, tu viens pas dans les épisodes geek. Bah, ah oui, mais apparemment, je suis pas suffisamment geek. Oui. C'est... Comment ils comptent pas ces épisodes-là. Pourquoi ils comptent pas, je comprends pas. Je suis pas. Ah oui, d'accord, wow. Oui, pardon. Les amis, comme à son habitude, nous allons commencer avec un petit quiz où je vous pose effectivement. J'aime ton enthousiasme. je vous pose des questions sur l'actualité et effectivement, ça nous permet un peu de rebondir derrière. Bon, l'actualité est un peu spéciale quand même. Oui, une actualité un petit peu insolite, un petit peu weirdo. C'est pas le Brexit non plus. Oh. je connais. Parle pas de ça, s'il te plaît. Oh là, merde. Il y a ouais, des sujets tabous. On est là pour se marier en fait, Adrien, je sais pas. Enfin, pardon. Ouais, non, voilà. Désolé pour les anglais. Que vous propose l'entreprise Geomig contre la coquette somme de 130 000 dollars? Alors, ils ne sont pas des dollars, hein, des dollars. Rien des dollars. 130 000 ? 130 000. Geomig. C'est ouais. Un truc pour. Alors, MIG. C'est un géo, c'est Geo-Mig. Un truc avec la Terre. La géographie. C'est te alors... transformer en poutière. Non, ça se passe sur Terre, mais ça n'a rien à voir avec. C'est pas un truc dans l'espace. Non. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est cailloux, tout ce qui est. Non, mais pas à la main. C'est juste un lapin. Oui. T'as mis ta main comme ça pour faire. Non, ferme ta gueule. Non, j'ai pas. Non, attention. Est-ce que. Je participe, moi. Je l'ai lu. Geomig. Est-ce que MIG, c'est les initiales de quelque chose? C'est un acronyme. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui est le plus important dans Geomig? C'est Géo ou MIG? Franchement, c'est peu. Ça va pas vous aider, je crois. C'est MIG. MIG et les avions de chasse ou pas? Non, je crois pas. Combien non, d'argent non. Déjà? 130 000 dollars américains. Est-ce que tu les mettrais? Pour ce truc-là, je les ai pas. Mais si non, mais au cas riche, où, ouais. Je pourrais le tenter. Ouais, est-ce pour que là. C'est une sorte de jeu? Non. Géo-Mig. Tu veux dire comme l'Union Européenne, c'est ça? Oh, la vache! Ah, d'accord, ok. Ouais, okay. Je suis politisé, wow. Excusez-moi, hein. Pardon, je peux m'excuser d'être libre. Je suis pas venu pour ça, moi. est-ce qu'on peut se branler la bite avec? Tu peux, mais c'est pas le premier usage. C'est un gros objet? C'est un assez gros objet. Ah, c'est pour acheter quelque chose qu'on. Objet, qu'on... C'est pas pour acheter quelque chose. Ah oui? C'est pour utiliser un objet? C'est pour. Tu c'est le pour... loues, quoi, en gros, pendant une heure, tu peux utiliser. Ah, est-ce que ce serait pas un truc non, de. Non, tu voyez l'achètes, pas, mais tu il l'as. Me fait des gestes insupportables. J'arrête pas. C'est, ils vont te payer pour utiliser ton image pour quelque chose. Non, tu vas payer. Attends. Non, ils vont te payer. Ah, c'est pour faire ton visage en crop circle. Attends, Geomig, il te file 130 000 balles? Comme ça. Compte quelque chose. Un filtre Instagram? Non, ce serait très cher. Attends. Ah, donc tu ne payes pas, tu te fais donne, payer pour faire un paye. Truc. Bah donc. Ils te mettent une puce GPS dans le corps. Non, mais on est dans ce. Attends, c'est pour, ce donner, monde, pour donner ton image, t'as dit? Ouais. Donc pour donner la forme à quelque chose. Ou peut-être pas un truc de clone ou un truc de merde on comme ça. On s'approche, on n'est pas très loin du tout. Y a un, est-ce qu'il y a quand même un rapport avec la géographie? L'ADN? Non, on n'est pas loin, on s'approche. Tes données? Tes données, tu t'offres toi à 130 000 balles? Non. Non, mais t'es, genre tes données. Mais ça, ils les ont déjà. Oui, c'est vrai. C'est Facebook et tout. Ouais, c'est vrai. Dans votre gueule, Mark Zuckerberg. Les Facebook. Ouais. Les Facebook, ouais. Bah oui, les GAFA. Tu te donnes entièrement. T'es vraiment pas loin. Non, tu te donnes entièrement pour que les gens puissent te télécharger ou t'as ton corps. Ou t'as bosé. Tu donnes ton apparence pour quelque chose. T'étais pas loin, clonage. Ah, pour une un robot! Oh là là, Pierre Lapin, oh, Marc le point. Le T-1000, comme dans Terminator. Bien sûr. Bah, calme-toi, le geek. 130 000. Mais... C'est attends, ouf. Mais pourquoi? Mais moi, je trouve ça chambé d'avoir un robot qui me ressemble. L'entreprise, l'entreprise recherche un visage gentil et amical. C'est bon. Qui deviendra le visage littéral du robot dès sa production, indique Geomig. En échange, le fabricant versera une compensation de 100 000 livres, à savoir 130 000 euros. 300 000 dollars, pardon, un robot à votre image vendu partout dans le monde. Après, ils utilisent votre image. Ah oui, donc il faut sectionner une seule apparence, quoi. Ils vont sectionner une apparence. Ah oui, pour le reste, oui. Et ouais, en gros, donc c'est pas quoi. Si cher, moi, je trouve. Tu veux vraiment qu'on ait 120, ces Black Mirror dans les mentions, quoi. Déjà, j'ai pas mis le jingle. Quelle nouvelle fonctionnalité Netflix souhaite lancer sur sa plateforme? Dis pas. Non, je dis moi, pas. Je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui, je me disais que c'est dommage que sur Netflix, il n'y ait pas un côté social où, genre, tu peux suivre des gens et du coup, tu peux c'est suivre clair. Ce qu'ils regardent et tout. Quoi. Voilà, exactement. Mm. Bah voilà. C'est et pas ben, ça. C'est ça. Non, c'est pas ça. Je voulais juste te rendre heureux une seconde, mais c'était bien, c'était agréable. En même temps, si ça existe, notre podcast, enfin la dernière partie de notre podcast n'a plus de raison d'être vu qu'on propose que des trucs sur Netflix. Pierre, allez, vas-y. Non, c'est bon. Qu'est-ce que propose Netflix? Est-ce que c'est un rapport avec l'interactivité? En mode, tu peux faire des trucs. Bon, hein. Ah, comme ouais, le comme dernier Snatch. Truc de Mac... ouais, voilà. Ouais, ouais. Alors, c'est pas vraiment ça, mais non. Oui, tu peux faire quelque chose directement sur, sur les films et ou séries. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu symptomatique de cette génération de merde qui arrive. Waouh. Voilà, je balance un pavé, un pré-pavé, je préchote le pavé. Ah, ça d'accord, ça balance, ok. Ah, ici, oui, il faut. Bah, oui. Ouais. Okay. Est-ce que c'est un truc qu'on fait avec la télécommande? Ouais. D'accord. Que tu peux faire sur d'autres choses que Netflix? Ah, c'est acheter les choses. Non. Acheter les vêtements. Commenter. Pas con. Non, il y a non. ça sur Amazon. Les commentaires. En fait. J'ai vu un truc sur Amazon, la plateforme où tu peux en fait acheter en direct les choses, les objets, les freins que tu vois. Je crois que ça s'appelle X-Ray. Ah, c'est parce comme. Que X-Ray, tu vois les et qui sont les acteurs à l'écran. C'est ça, mais maintenant, mais maintenant il y a les objets. Ouais, tu peux en fait. C'est comme le télé-shopping, quoi. L'époque de M6 Boutique, tout ça, tu connais. C'est ça, mais en fiction. D'ailleurs, tu utilises un micro SM57 qui est à vendre. Bien sûr, si vous appuyez sur 5 étoiles, bien sûr, et que vous laissez un très bon commentaire, vous pouvez peut-être gagner ce micro. Merci, merci, merci. Yes. N'hésitez pas à prendre des petits marrons glacés. Ah hein. Oh, oui. Ça va, il n'a plus rien à foutre. Non, non, mais, non, mais non, en fait, alors on pourrait croire que tu parles à nous autour de la table, mais c'est un conseil que tu donnes à tous les auditeurs. N'hésitez pas à en manger, c'est délicieux. Non, mais je les ai achetés parce qu'il y a marqué. J'adore ça, putain. Bonheur d'être ensemble, chaleur des sentiments et plaisir raffiné de la gourmandise. Est-ce qu'il y a une phrase qui définit mieux le flot de casse que ça? J'ai envie non. de te prendre dans mes bras, mais je le ferai pas parce que j'ai une petite sudation. Oh. À votre avis, donc du coup, qu'est-ce que veut faire Netflix? C'est un truc qu'on peut faire déjà sur les DVD, même sur les box internet en vérité. Et sur YouTube, les bonus, YouTube. Les bonus. YouTube. YouTube, c'est pas con. Commenter? Non. Non. Bon, putain, je me prends au jeu. Mais... Liker. Attends, en fait. Sur les DVD, non, pas les liker. Commentaires, liker. Des déjà, commentaires ouais. réalisateurs? Non. Non. On s'en fout ça. Ah. Non, mais Disney Plus, moi, vraiment, c'est terrible. Ouais. Mais Disney Plus, ils vont mettre des scènes coupées là, j'ai vu, ou des trucs comme ça sur les featurettes. Des featurettes. Pardon. Qu'est-ce qu'il est chez moi? Donc un truc que tu peux déjà faire sur quand tu regardes TF1 quoi, sur ta box. Non. Ah bah, ouais non. Sur TF1 tu peux pas vraiment. Ah oui non tu peux pas. Non non. Mais tu peux. Mais toi tu sais en fait c'est ça. Oh là là. Tu vois il l'a pas dit. Ouais. Mais il est super. Non mais c'est pour mais le. C'est bien le justement. Jeu, ouais. Mais c'était un compliment que je te faisais. Espèce de créature effrayée. Putain. C'est vrai que j'étais un lapin dans des fers de voiture à l'instant. Ouais. Un pire lapin. Non mais pense à cette génération, smartphone, tu vas toujours coller. Tu peux mettre ta tête dans le film. Mais liker, je sais pas, non, non ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ça. Là, tu bouffes tout, tu bouffes du contenu, t'es comme ça, là on avale, on consomme. Tu peux regarder plusieurs trucs en même temps. Ah non, mais ce serait horrible aussi. D'ailleurs, ça me rappelle un site porno qui s'appelait Netflix. Et pour l'anecdote, à l'époque, on pouvait faire les pages fans de tout sur Facebook. J'avais créé la page fan de Netflix qui te permettait de sélectionner plusieurs vidéos porno et tu pouvais mettre sur une grille toutes tes vidéos mais porno non. présélectionnées. Ah, c'est très très bien. Et comment tu choisissais le son? Parce que moi, je suis très attaché au son. Bah, en fait, je crois que c'était un peu le même système que sur Twitch avec le multi-Twitch. Et tu choisissais le son que tu voulais. Ouais, tout bonnement. C'est vrai que c'est plus. Tout bonnement. Tu dis ça, mais je connais pas Twitch. Enfin, je connais pas le. Oh, bah écoute, je t'ai invité l'année dernière au Téléthon. Non, mais tu me dis le multi-Twitch. Ah, pardon. Non, en fait, t'expliques un truc technique par un truc technique. Du coup, moi, je pouvais pas. Pardon. Arrête. Non, moi, je parlais pour les gens. Je parlais pour les gens. Non, mais je voulais pas critiquer. Il pense d'abord au public. C'est vrai. Je voulais pas critiquer, je voulais juste. Non, mais donc, est-ce que ces gens. Alors, tu peux tweeter depuis le. Non. Est-ce que c'est un truc interactif? En mode, tu peux créer un filtre, non. Je sais pas. Est-ce que c'est un truc pour regarder. Voir les choses plus non. vite? Oh, très très bien, mais effectivement, c'est une avance rapide, tout bonnement. Mais non. Ah, pour tu voir peux... en fois deux. Excellent. Comme les podcasts. Comme est-ce que tu peux voir? Est-ce qu'on peut voir en ralenti? Parce que ça, c'est sur YouTube, c'est trop trop marrant. Pour les vieux. C'est rigolo de malade. Non, mais c'est marrant sur YouTube. Tu regardes n'importe quelle vidéo et tu mets en 1,5. Ouais, mais je pense que si tu commences à regarder Jurassic Park en 1,5, c'est en 0,5. Moi, je me suis refait tout Breaking Bad en 0,5. C'est excellent. Voilà, ils veulent ça et donc ça crée un tollé aux États-Unis parce que les metteurs en scène sont évidemment contre cette technique. Ils sont là, genre, vous n'allez pas commencer à regarder en avance rapide. Non, mais ça, et tu sais qu'il y a des gens qui écoutent les podcasts aussi en avance rapide. Apparemment, bah oui, on m'a dit, moi, des gens dire. Sur. Non, mais même des auditeurs de Floodcast le font en avance rapide. Ah ouais. Ils n'ont pas le time, quoi. Ils n'ont absolument pas le time. Non, mais pour les livres audio. Il leur manque du time, exactement. C'est trop bien pour les livres audio. Ouais, ah oui, ça ouais. gâche un peu. Parce que non, moi, bah non, parce que moi j'avais un livre audio où le mec parlait vraiment lentement. En 1,7, ça passe bien quoi. Mais d'ailleurs, Marina Rollman a fait une chronique là-dessus. Ah bon ? Je vous invite à aller voir Marina Rollman. Excellente Marina Rollman, qui est déjà venue dans cette émission. La comédienne. Alors, la comédienne de doublage Anaïs Delva, qui prêtait sa voix à la Reine des Neiges, a été évincée du 2. Savez-vous quelle en serait la raison? Un tweet antisémite. Alors moi je sais, je connais la rumeur de ce truc-là. C'est une rumeur. On va je la connais. C'est une rumeur. Je la connais. J'essaie un peu de voir aux alentours. Alors attends. Je la dis pas parce que je la connais. C'est un truc en rapport avec les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Elle a fait un gros boulard. Porno. Non. Ouais, non, ouais, non. Non, non, non. Elle n'est jamais allée au sport d'hiver de sa vie. Attends, elle a jamais vu la neige et elle est pas. Elle déteste pas les Mister Freeze. C'était la blague. Trop désolé. C'est du snowsplaining. Waouh. Wow. Wow. On comprend un peu les termes. Shaming. Tu voulais dire non. Oui. Snowshaming. Je sais pas. À toi, à votre avis. C'est du, c'est lié à son métier de doubleuse. Elle a doublé. Alors on dit pas doubleuse. Comédien de doublage. Pardon, merci. Oui, parce que... elle a... Ça va. Vous vulgarisez. J'ai lu. C'est pas comme si c'était un vrai métier. Hein, Elle a doublé Alain Soral. Non mais est-ce qu'elle a doublé Est-ce qu'elle a doublé un truc qu'ils ont estimé pas compatible avec Elle a fait quelque chose qui est... Alors attention, encore une fois, je dis c'est une rumeur, mais qui c'est une rumeur. Est-ce qu'elle a fait une parodie de la Reine des Neiges Bravo. Pardon. C'est ça. Peut-être pas porno. Non, pas une parodie porno, mais alors Lou, je te laisse le dire si tu le sais. Eh bien, Anaïs Delva a fait un caméo dans Ala 2, où en fait elle parodie Elsa dans La Reine des Neiges. Elle arrive, elle fait gna libérée, délivrée. Voilà, enfin, elle fait une elle blague. Elle est déguisée en Reine des Neiges. Ouais. Et je crois que c'est le youtubeur Mr. Fox qui a fait une vidéo sur ça et qui a dit bon, bah voilà, apparemment c'est à cause de ça et tout. Et en fait, il s'est fait reprendre dans les commentaires par Noémie l'Orphelin, qui est une autre comédienne de doublage qu'il a doublé dans un film avec plein de princesses Disney. J'ai oublié le nom. Le monde de Ralph 2. C'est le monde de Ralph 2. Ouais. Wow. Et en fait Noémie l'Orphelin a dit mais non, en fait c'est juste qu'elle était pas dispo, voilà. Ouais. Et là pourquoi elle est pas là pour le 2, ça je sais pas, par contre la vraie raison. On nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout parce et que oui. Sur ses réseaux sociaux, c'est pour ça que je partageais cette histoire, elle a fait un post en disant ce sont malheureusement des choses d'adultes que je ne contrôle pas. Et donc elle s'est et fait oui. Évincée mais et les gens sont très très vénères hein, là-dessus. Mais quoi, ils ont changé de chanteuse du coup? De même voix, elle faisait les deux en fait, elle faisait la voix et le chant. Et oui, c'est fait. Et elle faisait donc Libérée, Délivrée. Quand tu écoutes Libérée, Délivrée, c'est sa voix, donc autant te dire que ça a un peu lancé sa carrière. Et sur le 2, effectivement, mais déjà, donc en fait, sur les mondes de Ralph 2, il y avait une scène avec toutes les princesses où elle n'était pas là, et effectivement, ils étaient genre non, mais c'est juste, elle est pas dispo et tout. Et là, sur Reine des Neiges 2, elle a dit non, mais moi je voulais, mais on m'a pas mis dedans. Et le seul truc qu'elle a fait entre temps qui pourrait être préjudiciable par la machine Disney serait d'avoir effectivement, elle a interprété, mais vraiment la Reine des Neiges, c'est dit dans le film, et elle dit Libérée, Délivrée. Voilà. Non, mais moi j'ai joué dans une série Disney Channel, sur Disney Channel, et on m'avait dit qu'ils avaient, pour le rôle principal, ils avaient trouvé un comédien qui trouvait. Enfin, peut-être pas pour le rôle principal, mais ils avaient trouvé un comédien qui trouvait super, et en fait. Ils ont proposé, parce qu'ils sont obligés de proposer le casting à Disney qui valide, et en fait Disney ils font des recherches de ouf sur les comédiens, et ils ont vu qu'il avait joué dans une vidéo de Bat et Gaël où il se branlait ou un truc comme ça. Et ils ont dit bah non, pas lui quoi. Ah, c'est ouf. Ouais. Et du coup moi je dis bah vraiment ils ont pas dû regarder moi vraiment première vidéo je suis à poil mais moi je pense qu'ils sont, c'est plutôt les rôles forts, les premiers rôles et tout, et surtout les jeunes en fait qui regardent. Moi j'étais voilà. Je m'offre une transition toute faite, Lou, parce qu'effectivement toi tu es comédienne de doublage en l'occurrence, pour ça on va pas trop te mettre dans des terrains glissants, mais pour un film Disney. Pour Maléfique 2 et Maléfique 1, et le 1 aussi. Tu doublais le personnage de Elle Fanning, Aurore en fait. D'accord. Aurore. Ouais. Trop bien. Je savais pas. Est-ce que quand tu fais du doublage pour un truc comme Disney, on imagine, est-ce que tu sens qu'ils sont présents? Est-ce que tu sens que t'as pas spécialement de la liberté ou quelque chose comme ça? Non, ça va. Moi, j'ai vraiment pas trouvé que j'étais particulièrement. Là, je dois parler alors qu'il est parti. Ouais, c'est ça. Mais ça nous intéresse aussi. Il hein. Oui, oui. Ça nous intéresse. Il y a pas beaucoup. Que Florent Bernard, bah, si oui, on est là. N'hésite pas. Non, du coup, je sens pas du tout de pression particulière. Enfin, moi, je les trouve très cool. J'ai jamais eu de. De toute façon, les textes sont validés en avant. Oui, oui, et de toute façon, en fait, c'est comme tous les doublages, quoi. Des films, comment dire. Tous les doublages de longs métrages, ça fonctionne un peu de la même manière. Tous les studios sont à peu près, entre guillemets, exigeants de la même manière, quoi. C'est-à-dire que Disney, t'as jamais les images def devant toi. T'as des versions avec des fonds verts. Moi, je voyais Angelina Jolie avec des harnais et les techniciens sur le côté qui la tiraient. C'est génial. Enfin, c'était un truc, j'étais genre, ok, je voyais l'image en noir et blanc, il y avait des petites fées dégueulasses, pas finies et tout. En fait, le film, je l'ai découvert au ciné et lors des confos. Les confos, c'est quand ils oublient des trucs ou quand, en fait, les États-Unis renvoient des versions avec des nouvelles phrases qui sont ajoutées, etc. Là, j'ai découvert le truc en couleur. Mais sinon, en fait, on voit rien. Et sinon, Disney, ils sont très cool. Juste la meuf de chez Disney, là, pour le 2, elle n'était pas tout à fait d'accord entre guillemets avec la manière dont j'avais joué le personnage un petit peu, parce que je l'avais fait un peu trop mature. Okay. Donc elle voulait revenir à un truc un peu princesse et tout. Mais après c'est le DA qui m'avait dirigé comme ça et moi je le sentais aussi comme ça et du coup elle m'a dit non plus princesse et tout. Donc j'ai refait quand même une bonne partie du film en mode bon ok, il faut que je la redescende un peu princesse, ça reste une princesse Disney et tout machin. Et à la fin, par contre, elle se libère vachement plus. Okay. Elle est reine, quoi. Spoiler, attention. Non, on le sait dès le début, qu'elle est reine, enfin. Et si toi, par exemple, demain, on te disait... Parce qu'en fait, tu doublais le Fanning dans pas mal de projets, si j'ai bien compris. Alors, pas tous. Excusez-moi, je mange un carambar. T'inquiète pas, les misophones te détestent. Non, pas tous. Moi, je l'ai doublé, du coup, dans Maléfique 1 et 2. Je l'ai doublé dans un film qui s'appelle Young Ones. Et c'est un film un peu d'anticipation chelou où on vit sur une planète où il n'y a plus d'eau. En fait, okay. Et c'est dans bientôt un film... la réalité. Et ouais. Sans vouloir. On est bien peu de choses dans ce monde. L'effondrement approche. Et dans un autre film qui s'appelle About Ray. Et en fait, elle joue un garçon trans dedans, donc un mec qui fait sa transition. Okay. Et voilà. Savez-vous comment un homme a anticipé l'arrivée d'Halloween en France? En fait, c'est suicidé. Quoi? C'est super dark. Il a présenté son cadavre à des enfants. Non. C'est un rapport avec des citrouilles? Non. Non, c'est non, mais c'est vrai que ça aurait un rapport au final. Non, mais. Anticipé Halloween. En fait, en gros, c'était il y a en 97. Ah, c'est mon année de naissance. Un coup de pelle dans la gueule. Et pas mon niveau. Donc ouais, à 97, en gros, Halloween est arrivé en France. Ouais. Et à votre avis, qu'est-ce que quelqu'un a profité de tout ça? On est plus sur des trucs genre les bonbons, sur les citrouilles. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le concept. Il a dû déposer quelque chose avant tout. Exactement. Et bah écoute, c'est quelqu'un Halloween. Qui a déposé le mot Halloween en France. Mais non, le mot Halloween, directement Halloween. C'est un monsieur qui s'intitule, excusez-moi, je retrouve son nom, Philippe Cain. Et comment alors, Philippe Cain ou Cain, je ne sais pas. Cain, le méchant de Star Trek. Ouais. Oui, puis le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité, selon la Bible. Oh, excuse-moi. Tout à fait. Ça reste un traître. C'est pas un hasard. Ouais. Ça reste un gros traître. Et bah, écoute, comment Philippe, c'est ça? Comment? Il s'appelle Philippe, ouais. Philippe. On peut lui dire, il peut nous envoyer un message pour nous dire merci parce qu'on vient de dire Halloween 4 fois. Du coup. Et il vient de toucher 6 balles. Non, Philippe qui a un métier qui, je pense, va ravir Adrien parce que c'est pas du tout les trucs sur lesquels il est un petit peu sceptique. Non, il astrologue. Il s'identifie lui-même comme signofaiblologue et prospectiviste. Non, mais après, je peux rien dire, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, écoute, c'est surtout un gros con. Oh non, oh, Philippe, je t'aime. Oh non, oh Philippe, ne nous attaque pas. Ni de remplace Sardou. Il y a pas le problème, moi. Juste, quand il y a un truc qui commence à m'énerver, c'est la cocotte minute. Non, mais je comprends. Wow. Moi, je vous le dis direct. Il est rouge pivoine. Il est en fait, hors de lui. Je viens de manger du piment. Attends, prospectiviste. Il est prospectiviste, oui, exactement. En fait, son concept, c'est de lire le futur dans le présent. Il est conférencier et formateur à ce niveau-là. Ça s'appelle deviner. Devinateur. Sa particularité, je lis son LinkedIn, je vous dis pas plus. Okay, hein, et d'avoir introduit une nouvelle méthode de prospective en France fondée sur les changements rapides que nous vivons. Cette méthode part des signaux faibles et surtout de ce que l'on peut en déduire et en induire, puis les scénarios dynamiques qui obligent à imaginer les ruptures. C'est simple, regardez autour de vous, rien n'était prévisible. Or, le principal risque est de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rien compris. Non, ouais. En gros, il y a un mélange de d'ésotérisme et de La République en marche qui c'est Maxime Barbier en fait. Quoi. En gros, il a deviné qu'Halloween allait arriver en France en 97-98 parce que il s'est dit la France ressemble à ça en ce moment, elle va avoir envie d'Halloween. En gros, il disait que la France avait changé, c'était au moment de l'élection de Chirac, disait-il. D'ailleurs, j'en profite, tant qu'on est entre nous, crac-crac. RIP. Voilà, et bah, il doit bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. Grand monsieur. La France sortait de la crise du Golfe, les années frimes et fric, c'était fait la malle. On recommençait à s'habiller en noir, se souvient-il, ça j'adore. Les vinyles pétant jaune ou violet étaient révolus. Les pastels légers arrivaient, l'art pictural embrassait de nouvelles voies plus fines et l'architecture accordait un nouveau plébiscite à la pierre et la brique. Et donc ça, tu... Il a Halloween. Dit, Halloween. C'est ça, il dit à surtout, mes yeux, c'est Halloween. Surtout, nous revivions à une époque néoclassique où, encore, les habits faisaient la part belle au coton ou à la laine et où les gens ressentaient le besoin d'être rassurés. Et là, j'adore, c'est mon préféré. Clin d'œil amusé. Je vous rappelle qu'à l'époque, le plus grand festival de rock et de musique moderne en France choisissait de s'appeler les Vieilles Charrues. Du coup, Halloween. Ah. Mais du coup, est-ce qu'il a gagné de l'argent avec ça? On ne sait pas. Quoi. Bah, écoute, avec il a son... déposé la marque Halloween. En 2000, nous avons vendu 27 tonnes de bonbons gélifiés. 14 industriels avaient pris le pas. Donc je pense que oui, il s'est fait un petit peu d'argent. Ça vient du Telegram, donc il est breton, c'est ça? Bah, je sais pas, genre ça, je peux vérifier. Regarde pas parce que tu vas avoir la réponse au truc suivant là. Ah là là, quel petit tricheur celui-là. Le groupe de rock Kiss a joué un concert un peu particulier, savez-vous ce qu'il avait de chelou? C'était dans une synagogue. Non. Bah non. Non, mais ils sont juifs. Bah oui, c'est vrai, mais non, ça va pas de ça. Ça va pas de ça. J'aurais pas choisi l'adjectif chelou pour ça. Un concert de Kiss dans une synagogue, c'est pas mal. C'est un peu surprenant. Est-ce qu'ils ont fait ça dans une garderie? Non. Ils étaient en hologramme? Non. Il y avait du son? Il y avait du son. Oui, sinon. Ils étaient tout nus? Ils n'étaient pas tenus, ils étaient en tenue de base. Alors, est-ce que c'est le lieu qui rendait le concert pas banal? Exactement. Et aussi un petit peu le public. Ah, j'en ai trop dit! Non, ah, un cimetière! Public. Non, pas un cimetière. Un hôpital? Non plus. Est-ce qu'ils étaient en 0G? C'était dans l'avion en 0G. En apesanteur? Oh, pardon, non, pas du tout. Ça, c'est un concert de Calogero. D'accord. Oh, ouais, joli! Ils auront. Je vous rappelle que Calo et Passy sont trop jeunes pour mourir. Avec de Donc, c'était. Est-ce que c'était en Europe? Ah, j'en ai aucune idée. Je ne crois pas. En tout cas, ça n'a... c'est pas ça qui est intéressant. Est-ce que c'était sous l'eau pour des dauphins? Tu t'approches, j'ai envie de te l'accorder. On est pas, c'est pas exactement ça. Dans un sous-marin? Un Marineland? Non. Un SeaWorld? Non. Sous la. Aqua Boulevard? La banquise? Non. Oui, j'allais dire. Boulevard, ouais. J'aime bien. Non, pas la banquise. Pas dans la... un toboggan. Non, mais je vais vous le donner parce qu'en vrai, il était dedans, Pierre Labjouz. Je pense que non. Kiss a joué un concert sur l'océan pour les grands requins blancs. Pour les grands requins blancs, ils ont joué pour les requins blancs. Excellent. C'est un bon public ou pas? Ils ont kiffé, hein. Battaient les reins. Sympa pour eux, quoi. Ouais. Trop relou, il y a eu des pogos de ouf. En gros, ils voulaient faire venir par leur musique démoniaque des requins blancs. Oh. L'objectif était d'utiliser les fréquences basses de la musique du groupe pour attirer les grands requins blancs. Bien que les requins soient généralement attirés par les fréquences basses, aucun requin n'est apparu. Ah, voilà, la performance s'est déroulée devant 8 fans qui avaient fait le déplacement près de l'océan. Voilà, donc c'est un petit peu triste. C'est l'ego. Ouais, j'avoue. Et les idées de merde. Alors justement, Mille, tu m'offres une transition. Est-ce que toi, t'as déjà fait du DJing dans des endroits un peu improbables ou des trucs qui étaient un peu... Fait, alors, je vais vous dire, j'ai joué à l'Aqua Boulevard. Sans déconner, oh, mais non, trop bien. Bravo. T'as trop de chance. À côté du Gomo ou du Flunch? J'ai fait une vidéo pour un de mes morceaux en live. C'était un live pour une chaîne de télévision. D'accord. Et ils m'ont demandé où est-ce que tu veux le faire. Et j'ai dit à l'Aqua Boulevard. Dans l'Aqua Boulevard. Dans la pistoche? Ouais. Ah, fou. Oh là là. Et donc il y a une vidéo qui est sur internet où on joue de les pieds dans l'eau en fait. Magnifique. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y a des gens en maillot autour et tout? Y a pas, non, parce que justement il avait fermé pour l'occasion. Ah, dommage. Oh. Est-ce que ça t'a donné l'idée du clip de All Inclusive? Non, parce que c'était après, justement. Ah. C'était plus une réponse. En fait, ça m'a plus donné l'idée. Si on rentre dans les détails, moi je suis. On peut. Bah, justement, j'ai un clip avec des sosies de moi-même. Et justement, tous les musiciens sont habillés pareil. Il y a tout un truc sur les sosies. Enfin, je vous invite à voir cette vidéo qui est. J'ai envie de dire, c'est l'univers d'un album dans un live en fait, quelque part. Tout à fait, tout voilà. À fait. Je suis une manœuvre en fait, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis immédiatement. Hein. Et on a demandé qu'ils activent les vagues dès qu'on commençait à jouer, parce que évidemment que les vagues c'est cool. Et on a eu un quart d'heure gratuit de toboggan. Oh, et qu'on a. Et au-dessus de tout ça, on a pu les faire comme des débiles, c'est-à-dire tous sauter en même temps, prendre. Il y a des petits. Ceux qui sont jamais allés à l'Aqua Boulevard. Par exemple, si vous visitez Paris, je vous invite à aller à l'Aqua Boulevard. Au lieu de la Tour Eiffel, hein, d'ailleurs. Et en fait, grave. La Tour Eiffel, on l'a vu en photo 1000 fois. Ouais. Alors que l'Aqua Boulevard, tu l'as vu combien de fois en photo? L'Aqua Boulevard est dans aucun Mission Impossible. C'est vrai, on peut le dire. Et en fait, il y a des toboggans où en fait, tu te mets sur des petits bobsleigh un peu. Pour tracer encore plus vite. Donc en fait, tu peux te mettre. Sur là, on tapis. Se mettait à 4 dessus, etc. Ah oui. J'espère que les méchants de la Colbert n'écoutent pas parce que c'est interdit. Ouais. Wow. Yes. Wow. Ils le sauront jamais. Comme quoi, le show business, c'est tous les excès en fait. C'est quand même incroyable. Hein. Bah, surtout le monde de l'électro. Ouais, c'est fou. Vous brûlez la vie par les deux. Mais t'avais pas fait l'aquarium aussi? J'ai fait l'aquarium de Paris. Oui, c'est aussi. Ça. J'ai fait l'aquarium. Tu adores l'eau en fait. C'est ton élément. Un univers aquatique où je rêve. C'est plus un univers marin en fait. Ouais, mais c'est un peu. En fait, c'est plus que ça, ce truc un peu de vacances, ça me. Non, mais all inclusive le paquebot, ouais, c'est ça parle de ça. Donc il ouais. Il a un clip où il est sur un paquebot. Je sais, bien sûr. Voilà. Bah, j'ai bossé. Attends, je rigole. Magnifique clip. Non, c'est pas ta boîte. Tu l'avais vu avant. Je suis ton premier fan. Voilà, je peux te le dire. Pierre, toi, je sais que t'as fait beaucoup de concerts. T'as des souvenirs comme ça de concerts qui étaient d'ignobles fiascos. Ah, de fiascos. Ouais, t'as fait beaucoup de concerts. En tant que de comment ça? Bah, que ce soit public, photo. Ah oui, voilà, en tant que. Ah, d'accord, ouais, voilà. Je croyais qu'il avait donné des concerts. Que je suis monté sur scène le jour de mon anniversaire devant près de 3000 personnes à Rock en Feu, ouais. Rock en Feu, Bretagne. Rock en Feu. Oui, non, pas Rock en Scène. Rock en Feu. Ouais, rien à voir. Bien avant Rock en Scène, ouais. Mais non. Avant Halloween en France ou avant ma naissance? Non, le jour de mon anniversaire, et il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs. Oh, oh mais tout le monde a une vidéo sur YouTube. J'en ai aujourd'hui en 2019, vous avez tous des vidéos sur YouTube ou quoi? Des vrais fiascos, je crois que j'en ai vraiment rarement eu quoi. Ouais, ça va. Enfin, non, j'ai eu des trucs un peu improbables où il y a le chanteur qui va aux chiottes et il chante avec son micro aux chiottes. Ah, c'était qui? C'était fucked up à la mécanique ondulatoire. Il allait chier ou il allait pisser? Il était allé pisser. Et je l'ai pris en photo aussi d'ailleurs. Moins je l'ai suivi. Et Fucked Up qui est un groupe de hardcore incroyable. Ils sont un peu. Ah, ils sont complètement zigouins, ouais. Ils ont la lumière à tous les étages ou pas du tout? Je pense pas. Voilà, ils ont même, je pense, une araignée au plafond, tu vois. Ils sont flingués du cigare. Ils sont complètement lobotomisés du bloc. ouais, non, mais. Ça, non. C'est le nom plutôt d'un groupe breton, pas ouf. Ouais, c'est le nom du festival. Alors, ça, par contre, en anecdote, je sais pas si. Mais les noms de festoches, des fois. Déjà, je viens de dire festoche et je m'en excuse. Il y a aucun problème. Mais il y a des jeux de mots. Enfin, comme les trucs festibule ou je sais pas quoi de bande dessinée. Ouais, les trucs de bande dessinée. Comme les coiffeurs. Oui, c'est de ça, province. Mais surtout, un peu des fois. Enfin, il y a des trucs sous des chapiteaux. Ah ouais, mais entre les festivals et le pire du pire du pire, je les adore parce qu'ils font du bien la musique française. Mais les salles de musique actuelles en France, donc chaque ville, chaque mairie en a une, tu vois, donc t'as ce qu'on appelle les SPAC. Le Noumatrouf. Noumatrouf. Ouais, le Noumatrouf par exemple. Mais ça veut dire quelque chose ou? Bah, je sais pas. Ah non, ils disent. D'accord, c'est genre, ça, ok. Moi, je suis bourré. Non, je croyais que c'était un jeu de mots ou un truc. Non, mais genre le Noumatrouf. Le 4x3, le bikini. Ah oui, mais c'est vraiment des noms de boîtes de nuit des années 80. Ouais, c'est ça, mais et pourtant ça existe. Et en fait, les salles de musique actuelles ont toujours des noms un peu improbables. Farfelu. Oh. Wow. Il l'a dit. Tu es farfelu aussi d'ailleurs. Tu m'avais dit que je pouvais le dire une fois dans le. En tant qu'astrologue, je peux te dire que tu es farfelu. Non, mais après, j'ai vu Slipknot qui était le plus gros fiasco. Bah, il faut dire quand ils ont pris les bouteilles de pipi. Alors, il faut savoir, donc en plus, donc, c'était un de mes premiers festoches, donc j'étais encore en fauteuil roulant, et du coup, j'étais le premier. Oh, il se moque. Oh, l'enfoiré, il se moque. Tu es validiste à mesure. Bah, écoute, excuse-le. C'est chaud ça. Bah, je retire ton invitation au Téléthon Gaming. Enfin, qui n'est plus Téléthon Gaming. Bah, oui, ça va sortir. Non, mais ouais, donc du coup, j'étais en fauteuil. Et du coup, donc, je suis le premier PMR de l'histoire du Hellfest, c'est pour dire. Parce que personne n'a mobilité Riz de Vite. C'est ouf. J'ai vraiment essuyé les plâtres. Incroyable. Avec mes petites roues et tout. Je Bref, le dire. J'ai réussi à négocier d'être devant les crash barrières. Pire, pardon, pire des idées. Non, mais rigolez. N'hésitez pas. Enfin, je vais faire une François Hollande si ça continue comme ça parce que je suis dans la gêne là. Alors, je les ai vus. Alors, donc, j'étais devant les crash barrières et là, le concert commence et là, le public se met à huer. Pourquoi? Toi. Parce qu'apparemment. Ah, il a fauteuil. Ouais, les métalleux. J'aimerais te rappeler. Ah, c'est des nounours. Ouais. C'est les nounours au grand cœur. J'aimerais te rappeler que vraiment, quand quelqu'un tombe dans un pogo, il est immédiatement rattrapé. D'accord. Oui, voilà. Tu baisses d'un ton, Adrien. S'il te plaît. Et tu perds ton smartphone. Ils te le rendent. Et donc là, en fait, je crois que c'est Morbid Angel qui est un groupe d'avant. Bien sûr, je connais. Bah oui, je suis sûr que tu connais en plus. Ouais. De nom surtout. Et donc du coup, ils ont interverti, je sais plus quoi, un problème de balance. Et donc du coup, les fans, ils étaient pas contents. Et du coup, Slipknot en prend plein la gueule. Et moi, j'étais devant avec mon fauteuil roulant, et avec mon père qui était en train de faire pilier de rugby et tout ça. Ouais. Sauf qu'à un moment, tu commences. Ça fait 20 minutes que tu te reçois des bouteilles d'eau. T'étais dans la fosse, genre. Enfin, non, t'étais devant les crash barrières. Entre les barrières, il y avait la sécurité devant toi, quoi. La sécurité derrière moi avec mon père, où ils étaient en train de faire. Ah oui, non, parce que en fait, les gens jetaient des canettes, jetaient des bouteilles d'eau. Ouais. Ça t'arrivait sur la gueule. Ensuite, t'arrivais une bouteille de pisse. Mais donc, non. Moi, je suis le mec, petit myopathe qui vit sa meilleure life. Genre, ouais, super. Et je me prends des bouteilles littéralement de pisse à la gueule. Putain. Est-ce que je peux appeler l'épisode bouteille de pisse sur un myopathe? C'est pour ça. Et là, après, on voit une carcasse de lapin arriver sur scène. Des nounours, c'est là que tu tiens ton nom. Il s'est pris une pierre, un lapin, il a fait bon, allez, terminé. Et jusqu'au moment où il y avait, vous voyez, les je sais pas, l'espèce de conteneur. Un gosse. Où les... Non. Bon, allez, ça va bien maintenant chaud, là. Non, mais l'appareil où les SDF américains ils font leur feu là. Un tonneau métallique. Et là, on voit juste vraiment un tonneau métallique arriver vers la scène et trucs comme ça. Et c'était un fiasco total. Donc, t'avais Sean Crahan, un des gars de Slipknot, qui descendait dans la fosse, qui envoyer des patates à tout le monde. Ah oui, d'accord, ouais. C'était ridicule. En même temps, t'avais le guitariste qui m'avait vu avec ma pisse sur la gueule. Non, non. T'avais vraiment de la pisse sur la gueule. Bah non, non, mais mon père a esquivé, mais vraiment, il y avait une bouteille de pisse solide, tu vois, qui arrivait. Et de pisse solide. Ouais, parce qu'il était trop chaud. Non, c'est du caca, le pipi solide, hein, pour info. Avec le bouchon. Et il y a James Root, le guitariste de Slipknot, qui m'a donné son médiateur et qui s'est baissé vers moi et qui m'a donné son médiateur. Racle la pisse avec. Et on l'a ce soir et on l'offre sur eBay pour le encore Téléthon Gaming. Une bien belle histoire au et final. Ouais, et puis après, j'ai recroisé Corey Taylor, donc le chanteur de Slipknot, évidemment. Deux ans après, et puis on en a parlé. Et t'as dit, ah, c'était du cinoche alors le fauteuil. Là, tu marches et tout. Rends-moi le médiateur. Ça fait plus mal que ça devrait, mais merci Adrien. Quel enfoiré. Non mais voilà. Dans le juste ma première fois ici, il y a pas un safe word quand on commence à faire des blagues trop bâtards. Non non non, c'est vraiment pas. Non non non, c'est moi au montage. On attend de voir les larmes. Je sens au feeling. Actu un peu tech, parce qu'autour de la table, je sais pas si vous êtes très tech, mais il y a des technos autour de la table. J'adore la tech, moi. Oui voilà, donc c'est ça. Moi j'adore la techno. Merci à tous. Actu un peu tech, en quoi consiste la toute dernière application de rencontre qui se download à donf? De rencontre. Une nouvelle appli de rencontre qui est particulière. Qui cartonne en fait. T'as là. Dit download. Ouais. Est-ce que attends. Ouais, j'essayais de faire des petites voilà. J'ai peur. Ah non, j'ai peur de dropper la bonne réponse. Est-ce mais que c'est ça... pas grave, on a bah, okay. Est-ce que c'est pas un truc de complotiste? Non. OK. Alors, c'est un truc de religion? Non. Est-ce que c'est mais de rencontre, de rencontre. De rencontre. Est-ce que c'est pour alors attends. Est-ce que c'est le type de personnes qui mettent en commun qui est particulier ou c'est la manière non. De faire ou alors c'est la manière voilà, ouais, c'est le concept. On est plus d'accord. Près de Happn que de Tinder voilà, pour, d'accord ceux d'accord. Qui savent parce que moi je vous c'est rappelle qui... Que la manière c'est tu fais tes courses au même endroit non, non. C'est nul c'est Happn c'est Happn oui. Mais si t'es dans un périmètre dans le même périmètre que la personne ça existe déjà depuis 93 quoi. J'ai doublé une série coréenne sur Netflix où c'est ça. Où en fait les ados ils sont dans un périmètre de 10 mètres et en fait ils activent l'appli et les gens qui sont amoureux d'eux et ben ils clignotent. Enfin genre wow. Leur téléphone fait tudu. Ah c'est pas mal ça. T'as doublé le téléphone? Non, non c'est incroyable. Ouais, j'ai cru que c'était un téléphone, ni plus ni moins. Bah c'est, allô mon, c'est mon ah, travail. Wow. Je fais un beau métier en fait. Attends, non, c'est pas ça, d'accord. Non, c'est pas plus le façon de mettre les gens en relation. Exactement. Dans les toilettes. Non. C'est une appli sur un téléphone. Oui, smartphone. Les phonetels quoi, le phone. Ouais, enfin le téléphone comme le GSM. Ouais, c'est ça, le petit portable quoi au final. Le cellulaire. Attends, mais c'est la façon de réunir les gens. Non, c'est juste. Non, mais tu vois, genre Happn, c'est les gens que t'as croisés. Tinder, c'est les gens qui sont dans un certain périmètre. Et là, c'est que des gens qui ont envie de baiser. Hein. Ça, c'est ouais, le truc Fruits là, ou je sais pas quoi, mais couille. Quoi ça, c'est pour les frotteurs. Tu choisis. Non, tu sais, tu choisis ton fruit. Si tu prends la grappe, si tu veux pas te prendre la grappe, tu mets la pêche et tu veux un peu. Ah, ça, c'est Oasis qui a fait son appli de dating. Il y a tellement de jeux de mots, mec. Ramène ta fraise. Voilà. Mais vraiment, c'est no joke. Vraiment, ça s'étouffe, elle meurt. Je m'étouffe. Voilà. Ouais. Non, mais je crois que ça s'appelle Fruit ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est un rapport avec l'argent? Non. Après, la classe un sociale peu avec l'argent avec cette... wow. Dans ce monde de merde Macron c'est pas Macron c'est pour les gilets jaunes non bah non, non. Pourquoi pas c'est un peu anti ouais non c'est pas est-ce que c'est vas-y. Gamifié à fond il y a des non. Photos il y a des photos okay. Non il y a pas de photos il y a pas de photos alors déjà ça c'est parce que j'ai la photo attendez je dis tête de la merde mais c'est pas lié aux photos l'astrologie non bah en vrai ça va arriver ça va arriver c'est pas mal d'ailleurs j'aimerais trop ouais c'est ça j'aimerais tant Si tu veux un verre d'eau, Lou, tu me dis, hein, à tout moment. Non, ça va. Ouais, c'est okay. Ça. Non, c'est bon, ça va. C'est juste mon carambar qui est mal passé. Attends, c'est pas grave. Alors, attends. Moi, il va falloir que je fasse pipi à un moment ou à un autre. Je sais pas quand est-ce que. N'hésite pas à partir en plein milieu, il y a aucun problème. Je sais pas s'il faut demander. Les chiottes sont à l'entrée, tu peux y aller. Il faut lever la main avant. Mais j'attends de trouver d'abord. Pas de soucis. Alors, pensez. Ouais. Un peu vite cul. Tous les jours, mais pas. Pensez cul déjà. Et pensez vite tous les jours, mais pas spécialement à Paris. Peut-être un petit peu dans toute la France. Oh, c'est le bonheur dans le pré là. Non. C'est Paris aussi, mais c'est pas vraiment un truc de. Voilà. Si tu. Ah, tu dis en voiture. Oh là là, très très mais fort. Mais t'es sur trop Waze. Non, pas sur Waze. Non. Blabla. Sur Waze. C'est du blabla. Blabla car. Non, c'est pas du tout. C'est une c'est appli. Horrible. C'est une appli c'est qui un s'intitule. Non, qui s'intitule Neozone. D'accord. Non, pardon, Neozone, c'est le site. Qui s'intitule Karimat, pardon. L'étrange application de rencontre basée sur votre plaque d'immatriculation. Oh non. Vous avez flashé sur le conducteur du véhicule garé au feu rouge, mais vous ne savez pas comment le contacter. Vous êtes dans les bouchons, vous trouvez cette fille sublime, oh, mais ne savez pas comment l'aborder. Bah non, c'est pas creepy parce que la personne, elle, c'est un. Je pense qu'elle accepte ou pas. Oui, voilà. Okay, ah, tu. Découvrez... Bah non, sinon, oui. Vraiment, c'est les flics, ça s'appelle. Ouais, découvrez Carimat, la première application de rencontre grâce aux plaques d'immatriculation. Déjà 3000 personnes se sont inscrites sur cette application qui met en relation les éventuels futurs partenaires depuis leur véhicule. Une drôle d'application qui est. Il est vrai, facilitera le contact entre les personnes coincées dans les bouchons. Rappelons tout de même que l'usage du téléphone est interdit au volant. Alors, moi, bah ouais, en fait. Premier truc auquel je pense, c'est que s'il y a un gars qui te fait une queue de poisson, tu mets sa plaque et si par malheur, il va se faire défoncer la gueule par le gars, quoi. Pour c'est je non, mais que... voilà ouais, non, mais oui bah, en conduisant, tu es ton le revers de la médaille. Enfin, tu hais les gens autour de toi quand t'es en voiture, c'est le principe même. Bah oui, oui. Comment tu peux être dans un rapport de séduction, genre. Ah, mais c'est impossible. Ta façon de conduire. C'est la Lalande pour moi. Wow. Ils ont vu la Lalande et ils se sont dit bah, voilà, c'est chambé, on tombe amoureux dans les bagnoles, c'est parfait. Bah, ils se détestent au début. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens plus du tout du film. Je hais. Tu es social ou pas? Quel animal sème actuellement la terreur du côté du New Jersey? Trump. Le oh non. Vache. Oh non. Oh. Désolé. Hein. On avait dit, on avait dit pas de politique. Ah, ouais, non, mais je peux pas m'empêcher. ça bouillonne en moi. Quel animal? Mon sang est rouge. Hein. Pardon. raton laveur. De quelle couleur sont les koalas, les boulets que tu tires? C'était ma bah, question. Rouge. Ah oui, d'accord, d'accord. Ils sont rouges comme mon sang. Ouais, ouais, c'est ça, ok, d'accord. C'est comme le drapeau. Et pourquoi on dit boulet rouge? Bah, parce que ils sont tellement chauds qu'ils sont rougis. Je par le. Merci, exactement. Merci, Adrien. Bah oui, y a pas que moi qui fais. Oh, il y a des quiz à fond là, j'adore. Non, mais on n'a pas le droit de poser des questions aussi en tant qu'invité. Ah, t'as le droit. Bien sûr, alors là. Tous les droits ici. D'ailleurs, Pierre a amené un petit livre, il va nous faire des. Oh, itis. Non, mais attention, bah ouais. Non, mais alors quoi? Bon. T'as toujours pas pissé, tu peux y aller. Hein. Est-ce que c'est un raton laveur? J'attends de savoir. Alors, question, est-ce que c'est un animal qui aurait échappé à un endroit où il devait être de base et il est libéré dans la nature? Raton laveur. Mais ce n'est pas un raton laveur. Ah oui, mais tu me dis pas non. C'est un animal, je suis désolé, pardon. C'est un animal qui était en voie de disparition et qui est reapparu? Non, pas du tout. Comme peut-être le puma. Le dodo. Le cougar, le cougar. Oui, c'est le cougar. C'est un écureuil, figure-toi. Pas du tout. Excusez-moi. Mid, voilà, parfait. La lumière est derrière le cadre. Parfait. Yes. Ferme la porte. Ouais. Un koala. C'est fou, l'électro, c'est. Non. Ce n'est pas un koala. Oh non. Qui sème la terreur, hein. Imaginez terreur. Quand même. Ah oui. Après, les koalas qui crient, ça fait peur. Hein. Vous avez déjà tapé koala qui crie sur YouTube? Non. Faites-le. Non. Ça fait peur. Okay. Ils font peur. Déjà, ouais, ils ont des têtes d'humains. Si, j'ai vu. C'est horrible. C'est horrible. C'est quoi? Non, c'est. Ils font comme ça. Mais je te jure, ça fait peur. Là, c'était un peu mignon. Ouais, c'est sûr. Tu l'as fait trop Disney. Fais-le. Attends, c'est plus genre. Toujours, mieux. Ouais. C'est horrible, c'est ouais. Horrible. C'est ça, c'est ça. Mais non. Chaque Chirac koala. Chirac koala. Quand le koala crie, il fait la voix de Chirac. Ah ouais. C'est terrifiant. Est-ce que c'est un animal lié à cette zone géographique en fait? C'est pas choquant par rapport à la zone non, géographique. Non, ça c'est pas choquant. Alors est-ce que c'est un animal qu'on peut trouver assez régulièrement dans cette zone? C'est juste que celui-là est particulièrement vénère. Non, alors justement, c'est un animal que tu peux trouver à peu près partout en vérité, je pense. Un moustique. Mais de le voir comme ça pulluler dans cet endroit-là, ah, donc c'est un peu pulluler. C'est le fait qu'il y en a beaucoup qui sèment la terreur. C'est ça. Une et puis qui sèment la terreur. C'est pas un animal. Non, qui non, est... non, non, c'est, ah, une, c'est une quantité d'animaux. Il s'agit des goélands. Des sauterelles. Non, mais tu te rapproches. Pas les sauterelles. Il s'agit des pigeons. Non, pas les pigeons. Les corbeaux. On est dans le domaine du volatile. Il s'agit des pélicans. Non, non, les flamants roses. Non, arrête, j'arrive pas. Il y a la mer au New Jersey. Oui. Des mouettes. Oui. Tu m'as levé le doigt. Genre, attention, donc, ferme ta bouche. Non, ça n'a rien. Des vautours. Non. Oh, ce serait vraiment flippant. Oui. J'ai eu des à faire un vautour une fois. C'est oh, horrible. Yeah. Ouais, une buse avec mon père. Mon père, il s'est pris une buse en camion. Il a fallu l'enlever. Elle était en train de crever dans le oh radiateur non, de la voiture. C'est horrible. Très compliqué à vivre. Peu marrante cette anecdote. Ouais, mais j'avais envie de la parler. Des fois, je parle en fait. Ouais, voilà. Est-ce que alors attends un oiseau c'est un oiseau c'est une horde d'oiseaux chauve-souris non c'est la nuit et tourneaux non des mouettes peut-être non un animal qui est un merle qui un est bon pas merle impressionnant qui est plutôt rigolo la un maison bon merle. Non, un animal un qui est pas très impressionnant perroquet non perruche pas très impressionnant non c'est pas les mini oiseaux avec des becs hyper longs là non un fier rossignol on connaît pas le nom de l'oiseau t'as l'ornithologie de merde là putain. Canari, on l'a dit. Non, mais. Un poussin. Pensez basse-cour. Une oie. Des poules. Non, putain, non. De poules. Des oies, bien non. Sûr. Oh, un faisan. Non. Ah, un dindon, un dindon. Dindon. Oh, très très bon, dindon. Mid. Mais oui, c'est horrible les dindons. Une dindon. Attaque totale de dindon. Total. Ouais, c'est une catastrophe. Attaque totale de dindon, c'est pas une chanson de Bonnie Tyler. Attaque totale de dindon. ce sont des dindons sauvages, parce qu'en fait là-bas c'est des dindons sauvages. Toi. Et qui sont... dindon arrive à forte vitesse vers toi, il va bientôt t'attaquer. Dindon sauvage. Ça fait vraiment ce bruit-là, ça fait vraiment. Ouais. Il paraît, mais là j'imagine qu'il y en a des dizaines ça et des dizaines. Ça doit être génial. Et en fait, ils attaquent. Je crois que c'est très méchant. Et là très ils sont en horde, c'est-à-dire que les voitures ne peuvent plus circuler, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, ils oh sont non. sur les toits. Faut les bouffer, putain! Comme dans Les Oiseaux de Hitchcock, sauf que c'est moins sexy. C'est un peu moins impressionnant, oui, effectivement. Mais effectivement, faut les buter. C'est ça qui est un petit peu rigolo, c'est qu'en ce moment, c'est Thanksgiving aux États-Unis. C'est gratos! La chasse aux dindons! C'est la vengeance, c'est la vengeance. Ça finit au four. Faut mais bien ça les fait arroser. Peur. Hein. Mais ça fait vraiment peur. Ce serait pas un peu le karma? Maybe. I don't know. C'est magnifique. Je sais, hein. Je sais, je me fais les yeux. Tu sais que je sais, hein. Ouais. Des animaux qui ont l'air complètement malades. Est-ce que t'es prêt pour cette transition, Mid? T'es prêt? Des animaux qui sont complètement malades, un peu comme dans le film Petit Paysan. Wow. Est-ce que tu as fait la BO de ce film? Tout à fait. Tu as même été nommé. Oui. Dans différents festivals, dont les Césars. Les Césars du cinéma français. Ouais. On peut déjà t'applaudir pour ça. Bravo. Par contre, je suis pas revenu avec la coupe à la maison, les potes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Qui a ramené la coupe cette année-là? Je sais pas. Un méro. Je m'en bats les couilles. Ça me plaît. Non, mais c'était ta première musique de film, parce que de ce que tout je fait, me suis tout renseigné, c'était, c'est un ami à toi, le metteur en scène, c'est ça? En fait, on a fait l'école ensemble. C'est ça. Tout bêtement. Et puis, quelques années plus tard, il m'a appelé en me disant « je fais mon premier film ». On avait fait la Fémis ensemble, en fait. Et il m'a dit, en fait, j'ai presque fini le montage de mon film, et en fait, on me propose des compositeurs de musique de film, mais méga classiques, et moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux faire un truc un peu chelou. Est-ce que ça te branche? Et je lui ai dit, moi, en fait, il y a un truc à savoir pour ceux qui écoutent et qui voudraient qu'on fasse peut-être un truc ensemble. Si on me propose un truc chelou que j'ai jamais fait, je vais. Il y a de grandes chances que ce que je dise oui pour essayer, tu vois. Alors, t'aimes le challenge. Voilà, est-ce que non, mais c'est pas un truc, c'est même pas, ouais, il y a du challenge, mais il y a un peu un truc de aller découvrir un truc que je connais pas, tu vois, c'est comme les goûts de yaourt, tu vois, je vais toujours prendre le coconut, je sais pas quoi, plutôt que le vanille. Bien sûr, je comprends. Donc si je te propose là maintenant d'aller tabasser des clodos, tu peux être chaud. Pour voir. Ouais. Non, mais je comprends. S'il y a une musicalité. Et dans les cris. Non, ouais. Ah, oh, un dindon. Pas dièse. Encore la qui crie. Et bref, donc j'ai testé, j'ai trouvé ça très, très cool à faire. Lui, il a kiffé ce que j'ai fait. On a fait le film ensemble et puis on a gagné des prix pour la ZIC. On a été nominé et tout. Et trop cool, quoi. Et c'est une envie que tu as envie de réitérer selon les projets en tout cas, why not? Ouais. Là, j'étais concentré. J'ai fait un peu 2 ans vraiment que sur mes trucs à moi. Bien sûr. Mais là, je vais, vu que j'ai presque fini, je vais un peu aller faire un tour dans la prospection. J'en mets. Ouais, en plus, ça a un peu étendu ton public à des agriculteurs de taille modeste, quoi. Mais tu sais que c'est pas faux. Tu sais qu'en fait, ce film. Putain. Non, mais ce film. Que des petits paysans. Au-dessus d'un mètre 70, les mecs, ça les intéressait plus du tout, quoi. Bah, c'est de niche, hein, mec. Ce qui fait mille. Bah voilà. Mais ouais. Non, mais les agriculteurs ont vraiment aimé ce film, en fait. Ah oui, bien sûr. Ah mais ce film est vraiment bien. Alors je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Moi je l'ai. Bah, contrairement au piloté. C'est avec qui j'ai peur de dire une connerie. C'est avec Swan Harlow. Voilà, c'est le film même qui a révélé quelque part un peu Swan Harlow au grand public. J'adore Swan Harlow. Il est excellent. J'ai vu aucun film avec lui. Mais non, c'est vrai. Mais j'adore sa gueule. J'adore sa gueule déjà. Et j'ai vu une interview de lui. J'ai dit j'adore. Voilà. Non, il est super et le film est vraiment bien. Je vais le voir. Pas la grosse comédie de l'année. Deux mecs que j'adore dedans. À la fin, tu sors un peu triste, mais c'est un film magnifique. Non, c'est un film vraiment magnifique. L'univers paysan, c'est pas la rigolade du tout. Oh que non. Hein, Macron. Attends, faut que tu respires encore après. L'univers d'un paysan. Ah, c'est pas tout rose. Ça se suicide. Eh ben, c'est la vérité, putain. Ah ouais, mais l'autre, il est dans son palace. Sur les boulevards parisiens là. Et les mecs ils style les veines. Wow. Avec leurs faucilles. Ils connaissent pas les outils. C'est pas, c'est pas, c'est pas la plus simple à faucille. Ah si. Bah c'est... non. Parce que ça fait. Tu peux faire le. Non mais c'est pas une faux. Une faucille. C'est comme petit, les communistes. Ouais, voilà, c'est mais oui, c'est et voilà. Là, on va vraiment débattre ça. Il y a le côté des intellos et le côté des rigolos. Un télo est rigolo, bienvenue dans le podcast. quel ultimatum? Bah, on parlait de ce grand dadais là qui est dans son palace là-haut là, avec sa vieille là. Et bah, quel ultimatum concernant. Non, je joue un personnage, Pierre, je t'en supplie. Moi, je parlais de toi, hein, le palace. Ah merde! C'était toi. Ah ouais, hein. Tu parlais de Macron? Pas du tout. Ah, il a dit les grands, il a dit. Tu te fous de ma gueule, je suis fils de paysan, moi. Ouais, mais il est immense. Il est immense. Ça n'a rien à voir, il fait 1m78. D'ailleurs, il a détesté ce café mythe, du coup. Il a dit, mais c'est. Ça représente pas du tout. On est beaucoup plus grand que ça, en moyenne. Pour attraper les fruits sur les branches. C'était petit, tu. Ils font que les vignes. Mais debout. Donc, quel ultimatum. Bon sang. Merde, je me bave dessus. Allez. Quel ultimatum concernant le porno Emmanuel Macron a-t-il mis en place? C'est pas mal. On rigole moins. Il a dit c'est pas mal. Il a dit en vrai, j'aime bien. Il a dit. Voici mes mots-clés. Si je ne trouve pas le porno que je veux au bout de 3 clics, je ferme tous les sites porno. Je déclare la guerre à la Chine. Un ultimatum donc. J'ai vu qu'il a. Alors attends, je vais peut-être pas trop dire. C'est sur la limite d'âge. J'ai entendu qu'il a dit un truc sur le contrôle parental là. Bah c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a posé un ultimatum aux différents opérateurs de boxe. Mais je vous laisse écouter ce reportage de BFM TV, bien sûr. On a tous déjà fait au moins une fois. Et pour cause, il n'y a rien de plus facile. Bah on a juste à taper le nom. Et après, bah, on a tous les sites qui se mettent et après on appuie dessus. Et la pire description d'internet, n'importe quoi. Il a 11 ans pour sa défense. Alors qu'on n'a pas 18 ans. En France, proposer des contenus pornographiques à des mineurs est passible de sanctions pénales. Problème, il est très difficile de mettre la main sur les propriétaires de ces sites, car souvent hébergés sur des serveurs étrangers. Ce qu'il faut, c'est tarir le flux pornographique. C'est-à-dire s'attaquer aux modèles pornographiques. Il s'agit du président de l'association Innocence, qui en fait le plus largement possible. Des Innocents, pour ce faire, c'est le chanteur des Innocents. Il a dit, mais c'est un autre ministère, moi, que je veux. C'est pas du porno. Ça réclame une vraie volonté politique. Un monde parfait, Emmanuel c'est ça que Macron je veux. A exigé que les opérateurs Free, SFR, Orange et Bouygues Télécom mettent en place un contrôle parental par défaut. Activés chez tous leurs abonnés dans un délai de 6 mois. Une bonne mesure pour ces parents ultra connectés, car selon eux, il est impossible de surveiller leur fille 24 heures sur 24. Bien sûr. Elles peuvent aller chercher le portable en cachette. Donc, et donc coup, oui, sur le téléphone, ça m'a. Quelque chose en place, pour contrôler, ah non, oui, sur les téléphones. Téléphone, iPad, ordinateur, c'est sur l'IP. En moyenne, les adolescents consultent leur premier site pornographique à l'âge de 14 ans et 5 mois. Bah moi non plus, j'arrive pas à savoir comment. Parce ça que peut autant un contrôle parental sur la box, ou genre pour accéder à certains sites, du coup ça te demande un mot de passe ou je sais pas quoi. D'accord, ok, mais sur le téléphone, comment c'est pas possible. Ah oui, non, il y a un Tekken, ouais. Ah ouais, donc en fait, pas. Ils vont regarder. Ah ouais. De toute façon, ils n'utilisent que leur téléphone, les jeunes, donc quasiment. Donc, c'est... Ce qui s'est passé quand j'avais 14. Peut-être 15 ans. Tu t'es branlé. On avait, bien évidemment, que je suis branlé. Encore heureux. Et évidemment. Et on avait un ordinateur familial à la maison dans le salon. Bien sûr. Ah bah. Et forcément, je regardais du porno dessus parce c'était le début d'Internet. En fait, tu regardais pas du porno parce qu'il y avait pas le streaming. Tu téléchargeais du porno et tu le regardais. Et en fait, un jour, l'ordinateur est tombé en panne et on l'a envoyé à réparer. chez un mec qui s'appelait Hakim. Qui était réparateur. Qu'on en parce qu'en fait, justement, je l'embrasse pas du tout. Ah. Parce qu'en fait, on a donné l'ordi, on a rendu l'ordi, et quand il a rendu l'ordi à Madaron, il a dit, par contre, j'ai vu beaucoup de films à caractère pornographique sur l'ordinateur, je crois que votre fils regarde du porno. Oh le bâtard! Et je trouve que c'est vraiment un move de fils de pute. Alors... Bah, de fils de forgeron, je dirais. Hakim! What? Wow. Oh, tu nous as. Parce qu'on se regardait avec Flaubert dès que t'as dit Hakim. On cherchait à caler fils de forgeron. T'as dit fils de pute, tu nous as servi la blague sur un plateau quoi. Donc Hakim qui à mon avis fait plus. Qui répare plus de tours de PC dans le nord de la France, près de Lille. Oui. Mais peut-être qu'il fait. Peut-être qu'il fait il travaille le fer. Bon, en tout cas, si tu te reconnais. Bah ouais. Fuck you. Oui, ouais, je comprends. T'es un beau salaud, Hakim, d'avoir balancé mid. C'est cool, ma mère. Mais surtout qu'en plus. Mais après, c'est peut-être ça t'a un peu forgé. Quoi tu vois. Ça a rien changé. Non, mais je veux dire, tu vois, ça, tu serais peut-être pas là aujourd'hui si t'avais pas eu cette épreuve, quoi. Ouais, bien sûr. Hakim l'a forgé, bien sûr. Bien sûr. J'avais pas fait exprès. Mais c'est vrai qu'il y avait, moi, il y avait une vraie épreuve de se branler dans l'ordinateur du salon. Moi, j'ai fait ça. Dans l'ordinateur, ouais. C'est, ouais. C'est une vraie épreuve. Très dangereux. Dans le CD-ROM, là. Il s'est coincé la tête dans le ventilo. Excusez-moi, ça sert pas à ça, le truc du CD-ROM. Non, mais effectivement, de se branler dans le salon, parce ouais. qu'en fait, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, moi, j'avais la méthode de mettre les écouteurs. Ah ouais, mais en même non, temps, tu peux te faire griller. Bah oui, mais en même temps, moi je voulais du son. Ah oui, mais c'est vrai que toi, tu l'as dit, t'es très sensible au son. C'est de l'audiovisuel en fait. Il y a audio. Tu mets qu'un écouteur. Tu mets qu'un écouteur. Ouais, je sais pas. Et celui qui est en direction de la porte, tu ne mets pas l'écouteur. Non, mais si vous étiez connu à l'époque, il aurait pu se branler tellement. Alors, j'ai 10 ans de plus que lui, donc ça aurait été très chelou. Parce que s'il avait 14 ans, j'en avais 24. Je vais t'expliquer comment branler. Enlève un écouteur. Regarde, vas-y, baisse ton froc, je vais te montrer. Oh non ! La prison, non ! Voilà. Les amis, nous allons passer à un autre petit jeu, puisque un artiste a sorti un nouvel album. Il s'agit de Damien Saez. Damien Saez a sorti un nouvel album, et je ne sais pas si vous le savez, mais Damien Saez est quelqu'un qui s'attaque à des sujets de société. Il dénonce quoi. Ouais, il dénonce, un peu comme ici, mais de façon peut-être un petit peu plus poétique, en tout cas plus énervé. Misogyne parfois. Surtout à l'encontre des filles sur Instagram. Ouais. Entre autres. Ouais. Et donc, du coup, je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner des titres de chansons. À vous de me dire si elles font partie. Alors, il faut qu'il y ait une petite unanimité. Hein, okay, okay. Si elles font partie du répertoire de Damien Saez ou non. Voilà, tout simplement. Ah, okay. Assez rapide. Il y en a que t'as inventé, il y en a des vrais. Exactement. Voilà. On tout commence bêtement. Facilement. Le premier s'appelle Petite pute. Bah, ça, oui. Ah oui, ça, oui. C'est connu. Ça, c'est celle sur les Instagrammeuses. Exactement. Voilà. Voilà, on écoute vraiment. Les, bah, toi, évidemment, les hommes. Donc, ça fait rêver le peuple aime bien liké quand il se fait enculer. Partout, c'est inutile qu'on leur vende. Ah, ça dénonce, putain. Pour des gamins ouais. qui ah, j'adore. Les vacances sur des yachts. Alors, oui, par contre, effectivement, là, si vous aviez des œillères, elles viennent d'être arrachées. Ouais, ouais, ouais. Non, bien sûr. J'aurais bien voulu être prévenu, quoi. Non, je suis désolé. Donc, pour moi, c'est Pink Floyd. C'est The Wall. L'autre, une autre chanson qui s'intitule Cigarette. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cigarette. Ouais. Non, je crois que c'est... non, oui, c'est vrai. Je crois oui, que oui. c'est faux. Si, si, c'est vrai. Je crois qu'elle est vraie. Soyez. Moi, je crois que c'est. De non, en fait, je crois que c'est un faux truc qu'il a trouvé. C'est trop. C'est pas possible. Non, je crois que c'est vrai. J'avais des copines qui écoutaient. J'ai une copine qui écoutait. C'était totalement toi. Non, j'avais pas. C'était totalement Tom. J'écoutais tellement pas ça. Non. Bon, sinon chacun donne sa réponse. Non, moi je dis oui. Je vrai. Pense que c'est contre les femmes instagrammeuses. Vrai pour moi, faux. Faux pour Mid. C'est salope qui ouais, je veux dire cul. Que c'est vrai, ouais. Vrai. Je pense que c'est vrai. Eh ben, c'est vrai, désolé. Elles sont parties, okay, mes partisans de l'âme. Ah ouais. Il y a une époque, on mettait bleu des bien. Flammes. À l'époque de rêve. Oui, bon, voilà. Et ça parle de cigarettes. Je sais pas. Je vais pas en entier. Je vais faire une petite éducation. Toujours entre le plaid et le pognon. J'imagine Damien Saez qui peut-être écoute des podcasts. Ouais. Et il aime sûrement Floodcast, c'est possible parce que ça fait partie des podcasts. Ça fait partie des podcasts contre que tu peux écouter. Je te disais que j'écoutais moi le podcast dans l'avion. Ouais. Et il l'écoute sûrement dans un avion, dans un train. Il est un peu fatigué. Il a fait une date la veille qui s'est peut-être pas très bien passée. Et là, il se met le podcast. Il écoute. Il se marre avec nous au début et tout. On rigole. Et à un moment, on se fout de sa gueule, mais pendant 25 minutes. Attends, c'est vraiment. Il est pas encore. Tu viens de tout gâcher. Mais non, mais c'est pour lui. Donc Damien, on te kiffe. Non, pas non, du tout. Ah, non, courage. Pardon. Non, on te kiffe. Je me suis avancé pour tout le monde. Je connais pas assez. Oui, oui, bon, oui. Non, mais voilà. Bon, courage. Non, mais on parodie, mais comme lui parodie c'est un peu. C'est jamais. Non, mais juste, je l'imaginais parce que oui. c'est possible qu'il existe. Non, possible, en vrai, mais... je pense que vraiment pas. Moi, ouais. je pense qu'il est déconnecté des réseaux. Un mec tellement premier degré que je pense pas qu'il écoute. Non, mais en plus, c'est juste un petit jeu innocent, hein, ni ouais, plus après, ni moins. Je voulais pas gâcher le jeu. Non, mais alors, on le déteste. La, la nouvelle chanson s'intitule Burqa. À votre avis, est-ce qu'elle existe Non, oui, ça dénonce. Non, moi, je dis non. Non. Je pense que ça dénonce. Je pense à pas. Fond. Je suis sûr qu'il y a un peu s'il sera au fond. Burqa, ça existe ou pas? Moi, je dis oui, je sais pas pourquoi. Moi, je dis oui aussi. Oh, t'as changé d'avis. Non. Non, pas de rien? Non, je pense pas. Ça existe. Oh, là oh non plus, ouais, bien sûr. Et c'est elle... filles qui se voilent alors que les filles se dévoilent sur Instagram. Wow, la merde, ça n'a aucun sens là du coup. Les burkas. Alors Pierre, ce qui est quand même un peu embêtant, c'est qu'à la base, mon jeu, c'est qu'il y en a que j'ai inventé et tu viens de l'imiter mieux que moi. Donc c'est une catastrophe. C'est vrai. Ouais. En fait, et tu sais que je tournais la tête pendant que t'as commencé, je pensais que t'avais mis un coup de play. Un coup de play. Du coup, je le ferai moins bien de tout à l'heure. Ce sera décevant pour tout le monde. On sent que c'est le terme technique des DJ. Ça suffit. Mais non, mais si vous avez une question DJ, vous pouvez arrêter l'émission à n'importe quel moment. Et nous contacter sur la hotline 01. juste 0-1 et vous tombez sur nous normalement. Ouais, on a payé très cher pour si, ça. Si, si, ça vient... ça vient de l'album Hashtag Humanité. Ah, ouais. Ouais, mais c'est, la... c'est... le nom est génial. C'est vrai, c'est en fait, je me rendais pas, je me rendais c'est pas compte. Parce du... que là, il a ressorti une compilation. D'accord. Ah oui. Là, il est sorti les B-sides 2016 à 2019, là, cette semaine. Et ça, Hashtag Humanité. C'était... Mais wow. Je vous invite à les écouter sur Deezer pour lui donner un peu de moula, bien sûr. Et c'est incroyable. Nouvelle drogue. Et attends, non, non, attends, t'as dit que c'était vrai, on si, l'entend c'est pas vrai. Ah oui, bah pardon. Oui. Bah, oh, oui. Excuse-moi, non, mais t'as. La nouvelle chanson s'intitule Nouvelle drogue. Moi, j'y crois mais pas. Ça, ça bah me oui, dit un truc. Ou alors c'est Instagram, mais je pense qu'il veut nous faire nouvelle croire que drogue. C'est nouvelle drogue. Nouvelle drogue, c'est bullshit. Allez, je dis que c'est vrai. Ah, je dis que c'est vrai. C'est vrai. Mais ça me dit un truc, donc ah moi j'aurais dit que c'était vrai. C'est vrai. Alors, ou alors, ça doit être une, c'est peut-être une chanson de quelqu'un d'autre, tu nous as. Mais vas-y. Tu nous as. Je vous ai. Non, Nouvelle Drogue n'existe pas. Ah non. Je me suis fait mais, mais tu as les paroles ou pas? Ah ben j'ai la chanson par contre. Ah, non, non, je peux péter, vous faire écouter la chanson. Bon, je vous la lance. Oh non, il a pris la... Connais-tu, oui, ma sœur, cette drogue de l'ego... Oh, attends, j'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Non, mais le bébé, j'ai raté. Vous êtes prêts? J'ai raté. J'ai raté. Je refais. Il s'est rien passé. Wow. Connais-tu, oui, ma sœur, cette drogue de Lego qui va te faire plus mal que marcher sur un Lego. Génération du swap, supermarché du like. Comme notre gouvernement, t'as plus de chance à droite. Aujourd'hui, Cendrillon sur son phone à Tinder. Plus cupide que OK, ce sera bientôt son heure. Tu passes à la casserole et tu une échalote. On fait que se follow, mais on n'a plus de potes. C'est... Wow. Je suis un homme pressé. Bravo. Bravo. Et tous ces enfants, t'y crèves. Waouh. Tu le fais trop bien, mec. C'est quel rapport. Ouf. Pardon. Connaissez-vous elle aimait se faire liker. Ça oui, ça c'est oui. Elle existe? Oh, j'espère que non. Je crois que... Ma réponse est j'espère que non. C'est pas la réponse que j'attends, c'est oui ou non? C'est oui, c'est oui. C'est oui pour Pierre. Je vais dire non juste pour. C'est mid, pour mid, c'est au oui. Cas où je peux moi, modifier je vais dire la réalité. Oui. Oui. Non. Désolé Adrien, c'est oui. Oh, elle merde. Existe, elle aimait. Elle vient aussi de l'album. Apparemment, il y a que les femmes hein, qui ont un problème avec leur image et oui, tout oui, d'après Damien. Ouais. C'est que les femmes. En fait, en vrai, pour tout à fait faire, il y a un album qui est très là-dessus. C'est l'album Hashtag Humanité. Et bien sûr, le. Bon voilà. La nouvelle chanson. Après je trouve qu'on loupe vraiment des petites. Là je suis en blue ball de Damien ouais. 16 là. Ouais. Un peu. Ah bon. En fait je vais oublier de réécouter après pour rigoler. Mais j'aurais bien voulu avoir. Mais je veux pas que ça soit la moquerie totale non plus. Bien sûr. Oh mais j'ai l'ambiance en plus. C'est à cause de Mythe ça. Ah écoute. Mais je t'ai mis une demi molle de la blague là. Non c'est pas ça. Il a. T'as écrit des parodies pour foutre de sa gueule. Je vous explique. Là tu vois non je veux pas me moquer. Non non je vous explique. J'avais un gros verre de vin. Et Mid est arrivé comme ça, il a mis un peu d'eau dedans. Ah, c'est... Mais non, mais c'était pas pour ça. C'est... Ah, mais c'est parce que si t'imagines le mec écouter et que ça te met mal, il faut pas penser à ça. Mais non, ah, j'ai ni pour... on s'en bat pas les couilles. Ma putain du showbiz. Ah, ça, c'est... Non, c'est... Non tu ça, l'as c'est inventé, toi, ça. Ça, c'est toi qui l'as inventé. C'est la groupie du pianiste en plus. Ah, ok. Alors, qui c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, non, c'est vrai. Oh c'est non vrai. Mais non. Si, si, ça existe aussi. Oh, il est zinzin, le mec. Si, si. Ah, merde, j'ai oublié l'autre. Attendez, hop là, c'est bon. Il a du mal avec l'articulation de P. Les OU, c'est E. Écoutez, à chaque fois qu'il chante, il chante dans un mégaphone. C'est ça. Non, c'est pas pourquoi, c'est pour. C'est parce qu'il scande des choses. C'est un contestataire. La nouvelle chanson s'intitule YouTube. Ah bah. Non, non, Florent, fais-toi plus de notre gueule encore. Vraiment, vraiment. Please, un peu de défi, un peu de défi. Bah, oui, oh bah, écoute, peut-être alors. Alors oui, oh, bah, oui. Moi, je dis oui, non, il n'existe pas, il n'existe pas. Ah, alors tu nous l'as fait. Je l'ai fait écouter quand même. Ah bah oui. C'est noir désir. Mon pote est YouTube, t'es con comme un balai quand tu parles seul chez toi avec ta caméra. Mon pote est YouTube, tu veux que j'active la cloche? Moi je vais sonner l'alarme, non tu me frappes pas les poches. Tous les dimanches matin, McFly et Carlito, tu oublies cette caissière qui doit se lever tôt. Tu veux un pouce en l'air, moi je t'offre le majeur. Je pense comme joueur du grenier, sur ton front je vois de la sueur. Pote est YouTube, tu fais de la propagande. Je vais pas télécharger Red Shadow Legends. Excellent. Magnifique, magique. Putain. Tes parodies sont toujours très très bien. Mais c'est gratuit, hein. Et s'il veut les faire lui-même, je serais super honoré. J'ai vu qu'il faisait Bercy, qu'il n'hésite pas. Si tu nous écoutes, si tu nous écoutes. La chanson joue pas au con. Ouais. Ah ouais, c'est bien sûr, c'est pour dire aux jeunes, te suicide pas, mec. Vrai, vrai, vrai. Ou alors, te suicide pas. 100% vrai. Non, mais... Ah, Pierre Labs aurait dit non. Ouais. Tu aurais dit non ou tu dis non? Je dis non. C'est Pierre Labs qui a gagné encore une fois. Oh non. Parce qu'en fait, c'est une chanson de Camini que mais je vous fais écouter tout de suite. Ah, c'est celle pour pas aller sur les voies ferrées. Exactement, c'est une chanson en fait, qu'il a faite en prévention des voies ferrées. C'est un moment, il se confie. Passe à la cour, kiffe, tête à la Sagna. Soudain le ballon se retrouve sur la voie. Bah oui, la voie ferrée, tu crois que je parle de quoi? Au lieu de laisser là-bas, ce crétin y va. Mais le train est arrivé à ce moment-là. Souviens-toi, frangin, avant qu'il soit trop tard. C'est la prudence qui tue, mais pas le hasard. Le train sait bien quand t'es à l'intérieur. Quand t'es en dessous, c'est que t'as fait une erreur. Tu vas t'approcher trop près de la voie ferrée. Parce que finir c'est en purée, ça fait peur. Au prochain niveau, quand ça clique, attends, il y avait des enfants qui dit personne ne bouge. Joue pas au con. Tu peux t'amuser, mais dégage de la voie ferrée. Voilà, dégage de la voie ferrée. Joue pas au con. Bah c'est vrai, on va en voir. Il a pas tort. Ça, le nombre de morts par percussion de train a diminué de 50% après cette chanson. Percussion de train. Percussion de train. Ouais, ouais, c'est... les mecs sont en train de. C'est le terme. Le fait de percuter, c'est la percussion. Par contre, je voulais juste rappeler qu'un homme azerty en vaut deux. Voilà, c'était juste. C'est quoi? C'est des paroles de. D'une chanson aussi. De Camini? Non. Ah bon? D'un autre artiste. Ah non, c'est Brave, non? Oui, exactement. Ah oui, mais on en avait parlé dans le podcast quand t'étais là. Non, mais je voulais le rappeler en fait. Je veux du nucléaire. Bon, oui, ça, c'est vrai. Ça, il en a marre de cette terre en fait. Ouais. Il veut tout balancer. Ouais, moi j'ai envie de dire oui. C'est vrai, c'est une chanson qui existe, je veux du nucléaire, mais il y a la pub sur YouTube, donc je vous la fais pas écouter. cette émission est la moins préparée de France, hein, je vous le dis. Arrête. T'as quand même fait des chansons, man. C'est vrai, c'est gentil. Alors celle-là, je sais pas si c'est pour la promo... Enfin non, bon, je vais pas trop en dire. Ok, Boomer. Bah non, elle est c'est trop tôt. Oui. Bah, là, il vient de sortir un album. Mais l'expression vient de sortir aussi. Mais non, ça fait pas un an. Ah, mais d'ailleurs, j'ai reçu un texto tout à l'heure qui me demandait est-ce qu'on a le droit de dire Ok, Boomer? Ah, quand on est pas. Nous, un peu, genre, on a tous à peu près le même âge. Ouais, moi j'ai non, mais à peu près, non, mais on a tous à peu près une petite 30. T'as quel âge? Non, j'ai 30 ans. Bon, non, on a tous... 97, j'ai pas 30 c'est bon, ans. On a tous 30 ans. Est-ce qu'on a le droit de dire Ok, Boomer, ou est-ce que c'est un peu lame? Ok, Boomer. Adrien, limite. Quoi? Ah oui, oui, bien sûr. Non, en vrai. Non, mais en vrai, déjà, faut arrêter, parce que c'est déjà galvaudé maintenant cette. Bah, en fait, surtout maintenant... que c'est déjà encore plus. Moins vieux que. Enfin. Non gens, mais maintenant les gens le disent juste à des gens qui sont plus vieux quoi. Oui, c'est ça. Même si c'est pas des boomers quoi. Justement c'est du troll que je voulais dire. Juste, ouais, mais bien. Ça fait du bien quand même. Et le disent pour n'importe quelle raison aussi. Exactement. Ouais, mais ça se pas tout mana. Non, bomboclate. Bomboclate maintenant c'est réparé. Merci à tous. Salut. Donc bon, je vous la fais quand même écouter okay, bien sûr, ok boomer. Vous allez voir là pour le coup, je me suis fait chier, j'ai mis une autre instru. T'as détruit la planète, niqué la couche d'ozone. Faut pas prendre l'avion comme les chanteurs d'ozone. Tu te moques de Greta mais tu vas le regretter. Dans ta maison de retraite à 70 degrés. On va vous faire regretter le mois de 68. Pendu en poirier, attaché par la bite. Je suis climato-sceptique sur l'avenir de tes couilles. Et je vais te le répéter comme Jacques les fripouilles. Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. Faites un truc avec Mid. Ghost Ride des chansons, mec. Bah, j'avoue qu'en fait, tout ce jeu a pour but de, bah, de montrer à Mid que je peux écrire des petits lyrics cool. Ah ouais. Et que s'il cherche à un moment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit à... qu'est-ce qu'on dit à un mec qui dit j'ai fait vendredi, tout est permis. Et franchement, c'est trop bien. Je sais pas. Ok, okay boudeur. Ah, c'est super. C'est super. J'avoue, franchement, super bien. Bah, elle est top. Moi j'aime bien. Oh, super. Oh, ouais, ok boudeur. Je répète, ok boudeur. Je peux reprendre un marron glacé. Je t'en prie. Millénial. L'abattoir. Faux. Faux pour. Ouais, c'est vrai. Non, c'est ouais. Faux, c'est un escape game. Oui, c'est vrai aussi. Vrai. Non, c'est vrai en fait. C'est vrai, c'est vrai. L'abattoir existe. L'abattoir existe. Alors que ça parle pas du tout des abattoirs, mais c'est une femme misérable bout de viande. Ouais. C'est allez plus calme. Dans la rue, c'est encore un autre bourré qui crie voilà, toute la bêtise. C'est vrai qu'il a un petit moral quand même. Non, il est pas au top. Ouais, non. Et son Bercy, une journée, ça va ne être. Prend vraiment non, pas son magnésium. Faut qu'il fasse un live à Aqua Boulevard, ça va. Ouais, en vrai. Ouais. Quand t'arrives au Bercy, il t'enlève tes lacets et ta ceinture. Et t'as des petits Xanax à la place des earplugs. Notre-Dame, mélancolie. Non. Non, ça, mais c'est, non. Ça, c'est toi qui l'as composé, ça. C'est pas, il est pas assez grenouille de bénitier, lui. Il envoie valser les religions. Justement, quoi. Il dirait. Crève Notre-Dame. La planète brûle. Ouais. Elle existe. Mais non, oh, putain. C'est pas vrai. Mélancolie, voilà, je suis là devant toi. Alors que ce beau. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec Notre-Dame. Évidemment. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être une chanson sur Notre-Dame. Et qu'on invite en guest sur cette chanson quelqu'un que ça aurait peut-être rendu très triste. Notre-Dame, t'as le feu aux fesses, mais Dieu que t'es belle dans la détresse. Notre-Dame, on a sorti deux grands pieds de pierre. Le feu te consomme, te consume, et le consumérisme, oui, t'assomme. Tu es la plus belle de Paris. Tu devrais faire des concours de beauté. Notre-Dame, mon cœur est un brasier. Je ne vais jamais cesser de t'aimer. On va te faire un nouveau chapeau aux mille feux. Notre-Dame, je te déclare ma flamme. T'étais vraiment la plus belle femme. Et je voudrais t'épouser si tu n'étais déjà pas une cathédrale dans laquelle on peut se marier. C'est pour ça que je dis ça, mais j'ai un peu raté ma phrase parce que c'est de l'impro. J'ai magnifique. Un peu morvé sur la première phrase. Je sais pas si ça s'est vu ou entendu. Tu veux qu'on la refasse ? Non, c'était bien. Tu veux qu'on la refasse en entier ? C'est bien. Je suis en sueur, putain. Comme si j'étais au milieu des flammes. Les amis, j'ai des questions à vous poser parce que j'ai annoncé effectivement votre venue aux auditeurs. Ils ont énormément de questions à vous poser. Mid, par exemple, comment tu as rejoint en vérité Headbanger ? Comment sont-ils venus te chercher ? J'ai tapé à la porte. Tout simplement. Tout simplement. T'as toqué ? J'ai toqué pour de vrai. Non, mais en fait, Headbanger, faut pas oublier que c'est une petite structure, malgré l'aura aujourd'hui du machin et là, un peu le truc un peu légendaire du bidule. Je suis allé toquer. Et en fait, après, on se connaissait déjà parce qu'il y a quand même un truc à Paris dans la musique en général, musique électronique particulièrement, tout le monde se connaît un peu. Donc, on se connaissait déjà avec Pedro, je suis allé taper. Et j'avais préparé mon coup. Hein. Je suis venu avec une valise avec mes morceaux. Et je savais que ça pouvait un peu coller et tout. Et on a écouté. Et puis voilà. Et est-ce que, c'est encore une fois une question d'auditeur, est-ce que ça change quoi que ce soit dans ta façon de composer la musique ou pas spécialement ? Oh non, pas du tout. Au contraire, ça m'a rendu méga heureux en tant qu'artiste. Du coup, je suis mon cœur. Tout simplement. Wow. Désolé. En fait, mais plus j'avance dans ma carrière et plus mes phrases deviennent cheesy parce qu'en fait c'est la vérité. Bah non, mais c'est trop bien. Tu sais, sur les trucs genre suis ta voix, écoute ton cœur, fais-toi confiance. En fait, j'ai vraiment je deviens petit à petit une sorte de livre inspirationnel, tu vois. Mais j'y crois en fait. Et surtout que t'as fait tellement de styles. Moi, je te connais depuis Sexual Earthquake in Kobe. Ouais, c'était mon groupe un peu du lycée quoi. Ah ouais. Donc ça fait quoi, indie rock, après t'as fait du rap, t'as fait de l'électro, enfin tu fais de la musique à l'image, enfin tu fais ouais, n'importe quoi, plein là, de choses, c'est fou. Je fais ce que j'aime. Voilà. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est un dragster, tout simplement, ouais. Un rallye dans la rue, tout simplement. Lou, en tant que touche-à-tout, dans le monde de la comédie et ou de la musique notamment, y a-t-il encore des idées ou des projets que tu n'as pas encore réalisés et qui te feraient très envie ? Oh ouais, grave. Bah, j'espère, à ton oui. âge, que t'as pas fait le tour. Attends, bah oui, j'ai encore faim. Je pense qu'il parle aussi de ta chaîne, principalement. Oui, bien sûr, de la chaîne. Tu fais plein de choses différentes dans ta chaîne. Et oui, bah en fait, j'ai envie de faire de la fiction sur la chaîne. Donc voilà, j'ai envie de jouer dans des fictions, j'ai envie d'en écrire, d'en réaliser. Et c'est les projets pour l'année 2020. Voilà. Trop stylé. Oui. Lourd. Comment s'est passé le tournage mythe du clip All Inclusive ? Ah bah on en parlait justement. Eh ben très intéressant. non mais c'était assez simple en fait. C'est-à-dire que j'avais terminé le morceau et en fait on s'est dit avec, en fait on se connaissait déjà avec une réalisatrice photographe qui s'appelle Alice Moitier. En fait on s'est dit que ce serait assez drôle d'aller sur un bateau de croisière pour aller passer une semaine. Et filmer en fait cette semaine de moi le mid normal, tu vois, genre enfin c'est à peu près le personnage dans le clip. Souvent on me dit mais comment tu fais ce personnage, donc oui évidemment je suis dans un clip, donc c'est un peu plus, c'est plein de petits moments rigolos, mais c'est moi sur un bateau de croisière avec tout ce que comporte un bateau de croisière, c'est-à-dire c'est un immeuble avec des activités cheap, de la bouffe cheap. Et des gens qui sont pas si heureux que ça de faire des trucs. Et donc, en fait, je suis là-dedans. Et puis, en fait, on est arrivé sur ce bateau. Et donc en fait, tu reçois tous les matins sous ta feuille de sous ta porte de chambre une feuille avec les activités du jour. Et donc nous, on surlignait tout et on se donnait rendez-vous à 8h. Et Alice, en fait, quand elle tourne, donc elle est méga rigolote sur Insta et super, mais quand elle tourne, elle est super super sérieuse, tu vois. C'est genre bon, ok, tu viens à 8h du matin, rendez-vous au petit déjeuner et habillé en tenue, parce qu'en fait, si vous regardez le clip, en fait, je suis toujours habillé pareil. Donc en fait, j'ai passé une semaine habillé toujours pareil. Donc en fait, les premiers jours, les gens ils se sont dit mais c'est qui ce gogol, tu vois, parce qu'en fait je fais n'importe quoi, tu vois. Ça, et Alice en plus, elle me dirigeait et elle fait vraiment, tu sais, en fait c'est la pochette de l'inclusive, tu sais, c'est moi à poil cunu oui, sur, bien sûr, sur bien le bateau sûr. C'est une autre question. Mais c'est, non, mais ça fait partie du truc, parce qu'en fait, c'est une de ses qualités. Elle arrive à foutre n'importe qui à poil sur des photos, tu vois. Même les gens qui veulent. Mais elle a foutu genre Miley Cyrus à poil, tu vois. Ça, alors que c'est pas gagné, tu vois. Et donc, elle me fait, genre, par exemple, on est là, au petit déjeuner, elle fait Attends. Là, je vois un truc. Tu vois les deux vieux là-bas, va à leur table et monte sur une chaise. Ah, et donc, les premiers jours, c'était genre. Ah non, mais je peux pas. Et là, elle s'énervait de malade contre moi. Elle dit genre, écoute, je suis pas venu sur ce bateau pour faire un clip de merde. Il faut que ça tue, il faut que ce soit mortel. Et elle avait trop raison, parce qu'en fait, au fur et à mesure, moi, je me suis détendu. Les gens sur le bateau, ils ont commencé à capter qu'on était deux chelous. Et en fait, moi, ils pensaient même d'ailleurs que j'étais youtubeur. Parce qu'en fait, ils se sont c'est dit, mais. Non, parce qu'en fait, on pouvait pas dire qu'on tournait un clip, parce que dans ce cas-là, tu sais, ça implique des droits. Mais c'est ce que j'allais demander, ouais. Non, c'est, ça s'est fait à la pirate un peu. Ça s'est fait complètement à la pirate. Sur un bateau. Oui. Allez. J'ai créé des chansons. Et c'est ça qui était génial, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, les gens, vu qu'on leur disait pas qu'on faisait un clip, on disait non, mais nous, on est en vacances. Et on aime bien faire des vidéos, genre, ce qui est complètement absurde, mais les gens, ça leur allait. Et donc à la fin, en fait, il y a des scènes, par exemple, où j'arrive à un moment en haut d'un pont et je fais genre ouais, et en fait il y a les gens en bas qui me voient, mais ils savent parce que ça fait 7 jours que, et donc ils font genre ouais, parce que c'est on était bien. Un peu devenus des mascottes sur le truc, ouais, tu sais, on était les deux amuseurs publics presque un peu, les deux rigolins. Je sais pas si ça existe, mais c'est rigolin. Le nom de votre duo à Avignon d'ailleurs, les rigolins, ouais. Mais les Shirley et Dino de l'électro, t'avais fait des concerts au Leechip et tout ça justement. Ouais ça j'avais fait, mais c'était pour expliquer, c'est comme il y a une nouvelle vague à un moment, c'est des gros festoches sur un bateau. Il y a les 40 000 mégatonnes en métal et il y a Leechip où c'est que l'électro, donc ouais, c'est beuvriland sur un bateau. Ouais, et ça va être un cauchemar aussi à vivre, non? Non, parce que ça, c'est. Enfin, oui, c'est un cauchemar, mais c'est fun parce que tu es là pour le. Tu sais, en fait, quand tu viens pour jouer dans un endroit, en fait, t'es quand même trop bien, t'es avec tes potes, tu fais la fiesta, tu mixes, donc c'est cool, tu vois. Mais là, le bateau, le All Inclusive, c'était vraiment. C'était une sacrée aventure parce que c'est pas rigolo du tout, ouais. C'est pas des bonnes vacances, en fait. Ouais. Et même les gens qui sont dessus. En fait, ils kiffent pas tant que ça parce qu'en fait, tu vois l'océan pendant une semaine, mais tu peux pas aller te baigner. Ouais, moi ça m'angoisserait un peu. Il y a pas une piscine. De pas avoir la terre. Il y a une piscine, mais elle est dégueulasse, tu sais. C'est une piscine d'eau de mer qui est renouvelée une fois par jour. C'est un peu cheap en fait. C'est un peu cheap. Ouais, moi ça m'angoisse de pas être sur terre en plus. Enfin, il y a un truc un peu d'immensité de l'océan Et bref, donc voilà. On a fait ça et puis on est revenu de ce truc là avec plein de photos. On a fait un livre de photos. On a fait le clip et en fait les FX, ils ont servi à un truc, c'est à supprimer le nom de la croisière partout en fait. En fait, on a effacé les trucs de mugs, de drapeaux et tout. Et en fait, on n'a jamais eu personne. Enfin, on a eu un. Moi, j'ai dû avoir un commentaire d'un mec qui me disait au fait, putain, j'étais sur la croisière. Ouais. Mais à part ça, personne n'a. Alors que dedans, dans le bouquin, il y a que des photos avec des gens. Ouais. Dans le film, il y a que des. Dans le clip, il y a que des gens en gros plan. Mais c'est pas fou. Enfin. Tu vois, moi, ce que j'ai kiffé dans le résultat, c'est qu'on se fout pas de la gueule des gens, en fait. Tu non. Vois, c'est genre. Mais c'est comme moi avec Damien 16, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est pareil. Bah, faut pas rire des Damien gens, mais rire avec moi, les gens. Avec Damien, c'est juste qu'il est pas au courant. Damien, si t'es encore en ligne. non, mais c'est on se fout pas de la gueule, tu vois. En fait, En fait, c'est limite. C'était le truc aussi, c'était que je sois plus ridicule que tout l'environnement. Et bref, en tout cas, on s'est sur le tournage, on s'est assez marré, mais le mieux c'était après quoi, tout ce enfin le résultat, et on est trop content quoi. Pierre, quel est ton avis sur la tendance actuelle qui parle de YouTube et qui se plaint que YouTube a changé, voilà. C'est une question en rapport avec une vidéo, bah, je trouve que c'est un joueur qui serait dans une pièce de la maison plutôt en hauteur, dans lequel on entreposerait des choses dont on n'avait plus forcément besoin. Oui, voilà, bah, ce soir, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour on va s'en sortir. Ouais, c'est ça. Ouais. On aimait se cacher quand on était petit pour faire des choses avec sa cousine. Tout... Non, là, c'est. Waouh, pardon. Ouais, le gamer du cellier. Non, mais pour moi, c'est du bullshit en fait. Parce que. Wow. Après, je lance. C'est un crochet directement que. Non, mais tu vois, dans le sens où là, pourquoi maintenant. Donc là, on a sorti la règle des double F, à savoir le fit and fun. Mais je pense qu'il existait depuis toujours. Explique. Alors, oui, pardon, alors donc, dans le joueur du grenier. Je connais. Alors dans le joueur du grenier, c'est plein de nouvelles tendances de vidéos, à savoir les vidéos double F, les vidéos fit and fun. Donc il, à il savoir. Il s'en est plein. Il a dit qu'il ne s'y retrouvait plus. Il ne s'y retrouvait alors, plus. Fit, c'est genre avec fit, des featuring. Que des featuring. Et fun, on prend un maximum de fun avec les gens qu'on invite. On rigole beaucoup. Quelle honte. Quelle honte. Quelle indignité. Et ça sur le service public. Mais non, mais je trouve en fait que. Le contenu, bah c'est vrai après que c'est un peu déplorable de voir un peu les mêmes patterns qu'à la télévision, à oui. Savoir que là on est un peu, là ces trois dernières années, on est arrivé à la télé-réalité. Enfin on est en l'an 2000 de la télé, ouais. Tu vois. Mais ça existait avec les pranks, enfin même les clowns tueurs ou quoi que ce soit, c'était arrivé bien 4 ans et je trouve que c'était beaucoup plus nocif et ouais. Nuisible. Et nul. Et nul que maintenant où on a juste des structures, c'est vrai qu'il y a... une omniprésence de certaines structures qui peuvent être un peu pénibles et c'est vrai qu'on est sur bah, comme si c'était des Disney où t'as forcément que Redbox ou Webedia et ça c'est un peu déplorable mais après sur le contenu je trouve qu'en vrai ça tend pas à aller vers le fond enfin je trouve justement même dans les contenus sponsorisés ou quoi que ce soit il y a une plus-value bah, je sais pas dans les concepts ou quoi que ce soit mais je trouve ça pas si déplorable que ça en fait après non, mais... moi ce que je déplore c'est surtout peut-être au niveau des algorithmes ou des mises en avant ou du modèle économique qui va pas forcément scier avec les contenus fictionnés ou du sketch, ce qui est un peu dommageable. Mais après, je pense qu'il y a d'autres alternatives qui existent. On a pu voir... bon, malheureusement, ça passe avec Canal+, parce que là, il y a l'effondrement qui est assez fou. Ouais. Mais on, c'est, on mais a... c'est vrai que c'est entièrement financé genre par humaine. Canal+. C'est, voilà. Oui, puis c'est... Et genre humaine, enfin, c'est ouf. Enfin, ça, ça m'a... Enfin, l'effondrement, c'est pas du tout un truc sur Internet, par contre, c'est... Non, c'est produit par Canal+. C'est produit, ouais, mais après, j'ai vu sur YouTube, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est des équipes. C'est du replay, ça. C'est genre, c'est passé sur Canal. Voilà, on va dire genre humaine. Ben, genre humaine, je pense que presque tout le monde l'a vu et tout ça. Enfin, moi, c'est un des trucs qui m'a dit, waouh, enfin, ça défonce. Donc là, c'est le CNC, c'est sûr. Mais c'est vrai que From... Le CNC sert aussi à ça pour le coup. Voilà, le c'est CNC, ça. Sponsorise assez peu du fit and fun justement. Enfin, c'est j'ai ça. Pas un souvenir oui. De truc. Non, donc non, je pense qu'il y a un peu de la place pour tout. Même dans les mises en avant tendance, bah bon, c'est sûr, ça va être forcément plus des clips ou des replays de foot. Mais bon, je trouve ça pas si nuisant que ça. Enfin, je te dis, moi, la période prank, c'était une heure un peu sombre où vraiment on prenait vraiment la Lee Logan Paul des States. Là, je trouve qu'on est dans une bonne dynamique. Après, ouais, c'est juste le modèle économique et ce qui valorise les contenus fictionnés qu'on pouvait aimer. Après, maintenant, est-ce que les gens consomment aussi ça maintenant ? Je sais pas. Non, mais surtout, moi, j'ai l'impression aussi, que c'est plus vaste aussi. C'est peut-être pour c'est ça aussi ouais. Qu'il y a plus de choses. Mais je voulais t'en parler à toi, Lou, aussi, puisque bah, t'es un peu une nouvelle arrivante, j'ai l'impression, sur YouTube. Ça fait oui. Quoi ? Ça fait 2 ans que tu fais ça, à peu près ? Bah, en fait, j'ai ouvert ma chaîne en février dernier. Voilà. D'accord, oui, donc c'est encore plus récent. Et j'ai commencé en 2015 sur What the Cut 37. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu observes en tant que. Parce que nous, on est déjà des vieux, tu sais, nous, on était là. Golden Moustache. Vous avez gens. Roulé votre boss. Oh, les gens ont oublié. quand tu arrives, toi, est-ce que tu as cette sensation aussi de c'est différent ? Ou est-ce que justement, tu dis, bah, moi, je trouve que c'est toujours quand on débute quelque chose quand même d'assez cool ? Comment dire ? Bah en fait, j'ai pas tellement l'impression de débuter que ça, parce qu'en fait, avant de sortir ma chaîne, j'étais un peu partout sur d'autres chaînes. J'étais sur Mademoiselle, j'étais dans What the Cut, je suis allée sur la chaîne de Lucien, je suis allée sur la chaîne de Bruce dans RL3, enfin, j'étais un petit peu voilà, parachutée comme ça partout. Donc quand j'ai ouvert ma chaîne, bah, j'ai eu quand même un peu plus d'abonnés du premier coup parce que bah, les gens me connaissaient de là. D'ailleurs, des gens qui me laissaient des commentaires en mode « Mais comment tu fais pour avoir autant d'abonnés alors que t'es inconnu ?» Toujours agréable. Oui, bah, merci, c'est gentil. Et donc, bah, d'un côté, j'ai pas eu trop ça, mais d'un autre côté, quand même, il y a un truc où bah, on sent qu'on est beaucoup, qu'on est beaucoup à faire ça il faut... Je ne sais que dire. Mais que on est beaucoup. Bah ouais, et ça fait peut-être un peu peur à un moment donné de se dire bon, est-ce que les gens vont regarder ce que je fais ? Est-ce que il faut que je pense aussi à faire plaisir et à nourrir l'algorithme, ou alors à faire vraiment un truc que je trouve super pertinent et que je trouve super fun et que je trouve super chouette moi et que je pense que les autres vont trouver ça super chouette aussi, ou alors voilà, est-ce qu'il faut flatter l'algorithme et mettre des petits cuts, mettre des petits trucs ? Donc, je pense que c'est un subtil mélange des deux où quelque part pour qu'on reconnaisse notre style, notre personnalité, il faut que les gens viennent Et puis après, voilà, une fois qu'ils nous connaissent, bah, ça y est, on les embarque avec nous. Mais c'est, oui, c'est, en fait, c'est un modèle, c'est assez juste ce que tu dis, c'est que tu, un truc que tu peux reproduire avec la télé, le cinéma, c'est... le cinéma, tu joues quand même, si tu veux faire une comédie qui est regardée, tu joues un peu de trois codes de la comédie bien que sûr. Les gens aiment bien, et puis derrière, tu peux effectivement voilà, proposer les gens. Des choses et machin. Et mettre des têtes connues aussi. Oui, voilà, commencer avec enfin, des. Ouais, voilà, complètement. Et après, t'affines ton style, tu fais ton truc, et les gens viennent pour toi, qu'importe. Exactement. Nous, on a toujours. Moi, je pense ça toujours à ça. Ça doit exister surtout. C'est ça, moi, je pense toujours à Golden Moustache. Quand on a commencé, qui était du sketch pur, et qu'on a commencé à faire des courts-métrages avec moins de blagues, où on se faisait vraiment chier dessus en mode. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous prenez pour qui? Court-métrage relou, faites-nous des blagues, vous avez cru que vous étiez Xavier Dolan. Et après, quand ça a commencé à être plus souvent ça, parce que plein de gens avaient envie de s'y frotter, et qu'il y avait des sketchs très absurdes, très cons, parce que c'était quand même aussi une chaîne d'humour à la base, les gens disaient, eh ben super, on passe du truc super philosophique chambé à une blague de caca. Mais avec Carlito, il faut revenir à leur début sur Golden Moustache, ils se faisaient défoncer. De bah super pisser dans un Tupperware c'est ça mettre sa vie dans un Tupperware c'est ça c'est ça que vous proposez à YouTube donc c'est des questions qui reviennent quand même assez souvent ouais. Et il y en aura d'autres dans 3 ans des gens qui diront je reconnais plus YouTube tu sais qu'en musique c'est la même chose hein. T'as la même chose t'as un algorithme sur Spotify et Spotify aujourd'hui les plateformes de streaming elles ont un pouvoir de malade parce qu'en fait c'est les nouvelles radios c'est-à-dire que la playlist se lever le matin la playlist aller au boulot en voiture et tout en fait mine de rien en fait ça te fait des streams de malade tu vois et en fait ces streams c'est ce que les maisons de disques regardent et, ou alors les bookers regardent et c'est ce qu'ils vont faire qu'ils vont te booker dans des soirées enfin c'est toute l'économie en fait aujourd'hui elle est autour de ces algorithmes qui te mettent ou non dans les playlists dans les bons trucs tu vois ouais. Et en fait bah, c'est ça en fait et moi là où ce que je peux critiquer de la vidéo parce que je l'ai vu aussi je suis un peu le YouTube game YouTube aussi, game de loin mais je le suis. Et moi, j'aime pas trop. En fait, je crois que quand t'es vieux et que t'as fait des choses, et que en effet, t'as peut-être été le premier, et ça arrive en zik, tu vois. Moi, ça fait genre 10 ans que je fais de la zik, et t'as deux choix à un moment de ta carrière. C'est quand tu vois que les jeunes, ils font un truc, est-ce que tu le critiques et tu te dis, bah, et les choses ont changé, est-ce que bah, c'est de la merde, on n'a pas avancé, et tu donnes ça un peu. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le côté un peu excuse. Bon, bah, regardez, maintenant c'est de la merde, bah voilà, vous comprenez okay, plus ce que je fais. Bra merci. Ou alors tu prends ça. Après c'est compliqué, c'est facile à dire hein, parce que moi je suis un vieux et j'ai réussi un vieux par rapport à des très jeunes, tu vois, à recycler le machin et à faire mon truc. Mais tu peux aussi le prendre comme une force et te dire ah ouais, ok, les jeunes ils font ça maintenant. Ok, moi je vais utiliser mes 10 ans d'expérience pour leur montrer. Et je trouve que au contraire, justement, McFly et Carlito, ils ont réussi à faire ça, tu vois, à prendre leurs 10 ans d'expérience de télé, de joke, de machin, d'utiliser les trucs des nouveaux, c'est-à-dire ils ont fait genre brah, le best du best du best et faire genre. Je suis d'accord. Écoutez sur Goom Radio, c'était pas très différent en termes de ton de blague. Et c'est la même chose pour la zik, tu vois. C'est genre, par exemple, t'écoutes un groupe aujourd'hui comme je sais pas, Chemical Brothers, tu vois. Genre, bah, ils sortent des albums, ça marche, ça tue, tout le monde trouve que c'est bien. Pitchfork leur suce la bite encore autant qu'avant. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont juste écouté la musique de maintenant, ils ont pas changé de cap, ils sont stylés, terminé. Et ils ont pas commencé à se dire, ah ouais, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, non, mais en fait, ils veulent des trucs comme ça, un peu dancehall avec des rappeurs connus et faire des featuring avec machin. Non, c'est tout, ils font leur truc et puis. Voilà. Ouais, non, mais en plus, joueur du grenier, moi, je l'aime plutôt bien parce qu'on a fait pas mal de conventions ensemble et j'adore son contenu. Ouais, bien sûr, aussi. Hein. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en plus, je trouve que c'est un truc. Alors, c'est pas pour répondre directement parce que lui, il parle pas du tout de nous, évidemment, parce que nous, YouTube, ça fait bien longtemps que c'est derrière nous. Mais c'est un truc qu'on reprochait aussi à lui avec ce qu'on appelait la Mafia Nesblog. Alors, je vous rappelle, il y a longtemps, ce YouTube. Je sais même pas ce que c'est. Au moins 3 ans. Non, mais c'est un truc qu'on reprochait à joueur du grenier, à toute une bande de gars qui vivaient en Bretagne, voilà. De se faire tourner tout le temps dans les vidéos et en fait de faire ce truc là alors évidemment c'était beaucoup plus sain et beaucoup plus posé parce qu'il n'y avait pas une énorme société derrière et il se faisait critiquer pour ça donc ça m'a fait marrer, je pensais qu'il allait en parler et en fait pas du tout. Et juste pour rebondir ce que tu disais sur les tendances Spotify, moi j'ai Spotify maintenant pour le podcast et en fait on a les t'as chiffres. Écouté l'employé, alors j'ai des questions sur l'employé mais non, moi je suis pas abonné à Spotify mais j'ai le tu peux l'écouter même si t'es pas abonné. J'ai le truc, j'ai le truc de quand t'as un podcast, il te donne les stats et j'ai les artistes que les auditeurs écoutent le plus de Floodcast. Oui, c'est alors très surprenant. Ouais. Vous allez être surpris de tous les artistes. Le premier c'est L'Homme Pâle, le deuxième c'est Nekfeu, le troisième c'est Vald, Le quatrième, c'est Orelsan. Ouais. Et le cinquième, c'est Roméo Elvis. C'est incroyable. Donc, c'est fou. Y a... Mais la surprise était de taille, en tout cas. Apparemment, notre public serait un peu blanc, apparemment. Ouais, non, mais c'est un truc qu'on s'est rendu compte. Bien se canailler, quand même. On vous donne un mois pour que... Enfin, dans un mois, c'est mid en numéro 1. Sinon, on arrête le... On arrête le podcast. Ouais. Directement. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote des trucs de... Moi, j'ai une appli qui s'appelle Spotify pour artistes. Et en fait, tu peux voir en direct, t'as un compteur et une petite vibration dès que quelqu'un écoute ton morceau. Oh, oh, c'est génial. Ah ouais. Et tu branles avec. Ouais, je... Donc quand tu déprimes un peu, tu te mets dans un coin là. Tu te mets tes poings dans le cul. Ça me fait une, un peu une transition parce que toi, t'es, c'est pas la seule plateforme sur laquelle t'es, puisque t'es aussi sur Pornhub. Mais tout à fait. En fait non. J'ai mais pas non, de, j'ai raconte ça. En fait, j'ai un. Donc j'ai deux actus Pornhub. Ouais, alors j'en connais qu'une. Et ouais, j'ai une petite exclusion que je peux peut-être pas dévoiler. Ah bon, ne la dévoile pas, tu nous le diras. Ça sort quand ? Ça sort lundi. Bon, on va garder ça pour nous. Donc il y a une actu Pornhub. Donc il y a une actu Pornhub. Non, en fait, c'est un pote qui m'a envoyé. En fait, il y a ce couple sur Pornhub qui s'appelle Léo et Lulu. Peut-être que vous connaissez. Ah, je connais. C'est ceux qui n'ont pas de visage. Enfin, qui ne montrent pas leur visage. Ils ont pas de... Ah, je connais vraiment, putain. Et ceux qui ont fait le truc pour laver les plages. Ils ont branlé. Hein. Ah ouais, ils ont fait une campagne pour Greenpeace. Ou... Et bref, ils ont mis un de mes morceaux. Ils ont mis The Sun en intro d'un de leurs films de boules. Et, yes. Et donc, j'ai un pote qui me l'a envoyé. Et tu vas bien sûr les attaquer en justice. Léo et Lulu. D'ailleurs, sachez-le, c'est Léopold Le Pérave de Léo et Lulu. Ouais, bien sûr. Et Lulu, c'est Lucie Amène. Elle était bien. Méniel est aussi sur Pornhub, faut le dire. Quand même. Dans un film avec Katsuni. Ah oui, oui, oui. Feu Katsuni, pas Katsuni à l'époque. Un sketch du Golden Show. Bravo, ah, il est sur Pornhub, d'accord. Il est sur Pornhub. Et là, pour la petite histoire, parce que je ne connaissais pas vraiment Adrien à l'époque. Et c'est moi qui ai uploadé cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est-à-dire qu'il y a un compte. On avait créé un compte, le Golden Show, sur Pornhub. Et c'était mon métier, c'était dans mon stage, dans mon rapport de stage, de mettre sur Pornhub une vidéo. Et c'est très compliqué. Alors en tout cas à l'époque, c'est plus facile maintenant. D'accord. Mais tu passes quand même par... C'est, en fait, ils vérifient vraiment la vidéo, pour, je pense, pour éviter les trucs de pédophilie, de viol et trucs comme ça. Oui. Et donc du coup, ça a mis beaucoup de temps à passer. Mais il l'avait quand même accepté alors qu'il n'y avait pas de cul. Un sketch qui s'appelle Dans la peau de Katsuni. Exactement, voilà, mais qui est visible sur YouTube aussi. Mais mettez-le sur Pornhub. Déjà un employé de bureau. Moustachu. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir sur Pornhub et à mettre en commentaire. Alors, ça se branle ou bien ? Point d'interrogation. justement, tu parlais de série audio, Lou. Qu'est-ce que ça change de jouer dans une série audio à son jeu d'acteur ? Parce que tu as joué dans. L'employé. L'employé qui est une exclue Spotify, c'est ça ? Tout à fait. Exactement. Qu'on peut écouter même si on n'est pas abonné. C'est juste qu'il y a des pubs au milieu. C'est ça. Voilà. Et est-ce que ça change quelque chose déjà dans ta façon de jouer ? J'ai l'impression qu'il y a plus d'infos à faire passer quand même. Bah, t'as le droit d'être dégueulasse déjà physiquement vu qu'on ne te voit pas. Donc, ça c'est assez pratique. Ensuite, bah, c'est un peu comme le doublage. Enfin, faut tout faire passer par la voix. Tout. Ah, faut que je me colle. Ouais, ok. Il faut tout faire passer par la voix en fait. Sauf que contrairement au doublage, il n'y a pas cette espèce de contrainte de quand même coller à la bouche de quelqu'un ou à son corps ou tout ça. En fait, tu t'en fous. Donc, à la fois, c'est très libre parce qu'on a le droit de bouger beaucoup plus. On peut s'exprimer avec notre corps de manière beaucoup plus libre qu'en doublage. Et à la fois, il faut quand même faire attention à ce que tout passe bien par notre voix, que tout soit clair, et à surtout ne pas trop lire. Ça, c'était une difficulté que j'avais pas mal, en fait. C'est que comme, en fait, on a le texte sous les yeux, très vite, on peut avoir un peu l'impression que c'est un livre audio et qu'on se met à lire. Et en fait, il faut éviter ça, quoi. Il faut se rappeler qu'on est en train de jouer, qu'on a un partenaire et tout. Et pour ça, c'est bien de s'appuyer sur l'autre. Mais il faut savoir que dans beaucoup de séries audio, et je crois que celle-ci en fait partie, vous tournez quand même dans des décors naturels. Enfin, vous n'êtes pas dans un studio, quoi. Si, vous... on était dans un studio. Ah, pardon, autant pour moi. Mais j'ai cru voir des images où vous n'étiez pas dans des studios, pardon. Non, on était dans un studio, d'accord, un super studio, d'ailleurs, qui est trop bien. Ah, qui mais est... donc, il faut quand même imaginer le truc. Parce que Coles, par exemple, c'est tourné en décor naturel, par exemple. Ouais. C'est pour ça que j'ai mélangé. Non, ça va, mais c'est pas plus difficile d'imaginer le décor, le truc, le machin. Ça va. Enfin, je sais pas. Non, là, ça va. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement difficile. Non, ça, franchement, ça allait. Et la saison 2 d'Arel 3, est-ce que tu as des news rapidement? J'en ai absolument aucune. Aucune. C'est-à-dire que j'interroge souvent le chef, Bruce, en lui disant « Alors, cette saison 2, elle arrive quand ?» Et toujours pas. Et il me fait « Je sais pas. » Voilà. D'accord, okay. Vous avez votre réponse. Mid, je te trouve très marrant sur Instagram. Je voulais savoir si tu as des projets de sketch ou de comédie. J'ai joué dans un film. J'ai eu un petit rôle. Et est-ce qu'il y avait des paysans de taille normale? Il y avait des. En fait, je jouais le rôle d'un pharmacien qui vend du Viagra. D'accord, mais c'est dans à Vincent Lacoste. Mais dans quoi? dans le un film qui va sortir. Ah oui, qui pas sorti encore. Ouais, d'accord. Pas sorti encore, donc okay. Là je vous lâche un. Ben, j'ai l'impression un véritable dos. Une petite boulette. Une boulette rouge. Meilleure que moi. Non, non, mais j'ai fait ça. Non, mais c'était plus un truc pour rigoler. Et c'était. Mon métier. C'est comme si tu me disais, j'ai fait une petite chanson, c'est un tube. Ouais, m'en bats les couilles. Non, non, mais j'ai fait ça, mais non, pas particulièrement. En fait, j'essaie vraiment de faire attention parce que aujourd'hui, tu sais, du coup, avec Instagram et tout, t'es vachement sollicité par plein de choses différentes où on te dit genre hey, mais si t'étais si tu faisais du stand-up et si tu faisais des gifs animés et si tu faisais ceci cela genre des gifs animés t'en as fait donc, tout à fait donc ouais. Des fois on dit oui mais et donc il faut faire juste un peu attention parce que en étant musicien le plus dur c'est de finir ses morceaux et d'aller jusqu'au bout de ses projets et du coup on peut vite être excité de par les choses qui te permettent de trouver des excuses pour ne pas terminer tes projets tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Et donc j'essaie d'être le plus souvent possible en studio et de faire de la zik. Donc je fais méga gaffe à pas me laisser méga gaffe ouais, de Fort Boyard. C'est dans Fort Boyard. Je sais pas ce que c'est. C'est Vincent Lagaffe dans Fort Boyard. Il s'appelle méga gaffe. Donc voilà. Ah mais ça existe. Ouais, ça existe vraiment. Ah ouais. Il est sur une espèce de jetpack. On en parle dans chaque épisode. Déguisé. Alors ce n'est pas un jetpack. Non mais une espèce de jetpack je dis parce qu'on. Ah il a le jetpack. Flyboard. Ah mais si j'ai vu. Il est dessiné en indestructible et ah il est dessiné. Enfin, c'était les trucs avec de l'eau. Avec de l'eau, voilà, c'est ça. Mais c'est le même inventeur que Pacao. Zapata. Que Zapata, ouais. Donc voilà là. Oui, voilà, ouais, donc non, pas de. Je reste très rigolo sur la plateforme parce que ça me fait rigoler, mais c'est tout, tu vois. Très bien. T'es un bon délireur. Waouh. Wow. Non, mais c'est un délireur 2000. Ouais. Adrien. Oh. Alors. Quand vas-tu monter sur ça? Non, mais. Non. J'ai vu un sketch signé de toi sur. Mais non. Le Bagel Show. Mais what? Exact. Alors, du coup, est-ce que. Pourquoi n'avez-vous pas fait la promotion autour de cette. Alors qu'il y a un sketch aussi de Florent Bernard, donc c'est moi. Alors. Donc, je te laisse faire un petit. Alors, dans les grandes lignes, mais d'expliquer pourquoi. Alors. Donc, déjà, bah, aussi bien mon sketch, enfin, le sketch que j'ai écrit que le. Que celui que tu as écrit. Ouais. On les a écrits il y a genre 2-3 ans. Oh, facile, ouais. C'était pour un prime pour Canal+, qui n'a jamais vu le jour. Et en gros, bah, histoire d'être payé assez convenablement, ils nous ont dit, on va quand même vous acheter les textes que vous avez écrits. Donc, on a vendu ces textes, donc ils appartenaient à Canal+. Et là, quand ils ont fait ce Bagel Show spécial cinéma, ils ont pris ce texte-là, et donc le tien, pour les tourner. Bon, moi, il m'avait dit que c'était pas possible à tourner parce que ça coûtait trop cher sur le sketch show d'Halloween sur lequel j'étais. Donc, j'étais un peu déçu de pas pouvoir le faire. Mais je suis très content du résultat. Je trouve ça cool. Il est très bien. C'est réalisé par Louis Farge et avec Kemar et Mathis Gerbi. Bah, j'ai pas noté, je connais pas la comédienne qui joue. Bref, désolé, hein, je connais les noms de gens que je connais. C'est pas sexiste, ok. C'est cool, en fait, je suis content justement de. Mais du coup, pour répondre à la question, j'en ai pas fait la promo parce que je l'avais pas vu en fait. Et du coup, si je l'avais trouvé pas bien, j'aurais pas dit hey, regardez ce sketch que je trouve pourri. Là en l'occurrence maintenant que je le vois effectivement je me dis je suis content et j'aurais pu en faire la promo mais je vais attendre qu'il sorte sur YouTube parce que bon si c'est pour dire allez sur My Canal auquel personne n'est abonné ça sert à rien quoi donc je vais attendre qu'il sorte sur YouTube pour faire la promo. Voilà. Non mais voilà et moi pareil en fait le sketch est très cool, c'est avec Bertrand Isclay et Justine Le Potier, bon qu'une amie de la maison qu'on adore. Oui. Et donc voilà, j'ai vu le sketch mais même loin il avait été tourné. Il avait été tourné oui, il y avait une journée de tournage il y a 2 ans parce que il y avait, le sketch show avait enfin oui. L'émission avait été greenlightée avant d'au final être coupée donc c'était très frustrant et bizarre mais du coup ça y est c'est sorti et pour répondre à ta question Adrien la plupart est jouée par Enya Barou voilà, qui joue dans Le Doudou sûr, mais... et il y a aussi également qui est la fille d'Olivier Barou aussi entre autres oui voilà c'est ça et qui est comédienne et qui joue elle est très bien d'ailleurs et elle est super dans le sketch. Pas. Elle est très très douée. Et elle avait joué dans des sketchs de. Si, elle avait joué dans un sketch de Bagel aussi. Oui, que t'avais écrit d'ailleurs. Ouais, sur le téléphone portable où il n'y a plus de réseau. Voilà. Tout bonnement, je suis désolé. Se connecte. Merci Lou, merci. Bah de rien, c'est les carambars. Hein. J'ai une petite question. Alors, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être vous autour de la table. En fait, sur le Discord du Floodcast, il y a un auditeur qui a reçu une lettre de sa propriétaire qui dit qu'elle le vire de chez lui en janvier. J'ai pas de place chez moi. Ouais, non, c'est voilà, c'est tout. Et il l'a appris fin novembre. Et à en cause fait. Du podcast. Non, ça n'a rien à voir avec nous, mais bon, c'est un auditeur, donc j'en profite parce qu'en fait, il pose une question que moi je me posais étudiant et que je pense plein de gens locataires se posent et n'ont pas les réponses sur ce fameux délai de préavis. Puisque moi, il me semblait, alors là, je parle de moi, Florent, que c'était 3 mois. Ouais, moi aussi, il me semblait. Et qu'un mois, c'était quand toi tu te casses, quand le locataire se barre, dit ça au propriétaire. Il me semblait. Et j'avoue que j'ai pas la réponse. Et, c'est pas la même chose à Paris qu'ailleurs. Il y a peut-être ça, je sais pas en plus où est la personne. Ça dépend du bail, hein. Donc c'est des questions qui voilà qui moi je sais me avant faisaient de peur. Dire c'est quoi les bails bye bye non mais c'est des questions que jeux. Moi me faisait peur que c'était des questions qui me faisaient peur moi quand j'étais étudiant les cautions les préavis les trêves hivernales tous les ces trucs là exactement oui, oui. Donc s'il y a des auditeurs qui sont un peu calés dans les sujets et machin qui répondent au tweet qui annonce ce nouveau podcast ou Stéphane Plaza peut-être ou Stéphane Plaza si ouais. Nous écoute c'était fou ouais. Avant que je fasse un jeu où je t'insulte et où d'un coup je mais voilà n'hésitez pas à nous dire parce que voilà c'est toujours bien d'être rassuré. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui sont jeunes et qui sont paumés avec ces questions-là. Moi, ça a été. Ça me noue l'estomac encore aujourd'hui. Et maintenant, j'ai de la chance d'avoir des sous pour payer une comptable qui gère ces questions-là pour moi. Mais c'est vrai que c'est le truc qui me. Même payer ses impôts, c'est le truc qui me foutait une peur bleue. Donc, oui. Donc voilà, je comprends ces galères assez horribles. Mais là, je suis en train de compter mes heures, du coup, je connais le délai. Ouais, voilà, c'est exactement ce genre de choses. Voilà. Dans les recommandations, la dernière partie du podcast, qu'est-ce que vous recommandez, amis autour de la table, de culturel, que ce soit. Du cinéma, de la télévision, de la littérature, du théâtre peut-être, même de la danse, peut-être de la danse. Moi je vais commencer. Ah bah je t'en supplie. Comme ça, ça permet aux gens qui peut-être n'y avaient pas pensé de oui, réfléchir. J'oublie de préciser maintenant. Quand je... Oui voilà, yes. Parce que j'ai vu la tête de certaines personnes qui avaient l'air de dire ah fallait prévoir un truc. Donc moi j'ai deux trucs. Comme souvent. Hein, parce que non, mais c'est ton truc. Oh là là. On dit que j'aime rien, mais j'ai toujours deux. Donc calmez-vous. Ouais. Personne alors, ne t'a parlé. Doucement. Le premier, c'est un podcast. Alors, c'est encore un podcast en anglais, désolé. Qui s'appelle Dolly Parton's America. Et, Dolly Pran. Ça, c'est. Ah, Su. Allez. Non? Non, c'est non. Ok. C'est non. Bon, d'accord, pardon. Et en gros, ça parle. Bon, ça parle de Dolly Parton, évidemment. Mais ça traite de. Qui est, pardon, du coup, Dolly Parton. Une mythique chanteuse de country américaine. Et qui, en gros, à travers ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle a fait, etc., qui, ça permet d'aborder d'autres sujets, notamment le féminisme, plein de trucs comme ça. Et donc tout en racontant sa vie, ce qu'elle a fait, etc. Et c'est vachement bien, hyper touchant. On apprend plein de choses. Enfin, c'est un de mes podcasts préférés, c'est Radiolab. Et en fait, c'est un des mecs de Radiolab qui fait ce podcast-là. Et donc c'est des gens qui sont très très forts en narration. Donc ils ont une façon de raconter les choses qui est géniale et qui, enfin, ils peuvent rendre vraiment n'importe quel sujet intéressant. Là, il se trouve qu'en plus, le sujet est intéressant, donc super. Donc voilà, je recommande vivement ce podcast. Et l'autre truc, c'est un documentaire qui est très court, qui dure 30 minutes, qui s'appelle Laughing Matters. Qui est super. Je l'ai vu que tu l'avais proposé sur Instagram. C'est un super documentaire qui est gratuit sur YouTube. Voilà. Qui parle de, en gros, la santé mentale dans le monde de la comédie. Et donc c'est surtout des interviews de stand-uppers, etc. Et spoiler alerte, pas tant de gens heureux. Voilà. En fait, c'est souvent des clowns tristes, en fait. C'est ça. Ouais. Justement, c'est assez intéressant. Et puis ça met aussi un peu un taquet à certains clichés, du genre les gens qui disent « Ah bah moi, la comédie, ça remplace la thérapie. » Et ils disent « Non, justement, ça ne remplace pas du tout la thérapie, quoi. » C'est même l'inverse en fait, quoi. C'est-à-dire que faire des blagues et t'as plein de gens qui flattent ton ego, c'est l'inverse en fait, tu vois, de la thérapie. Ça joue sur tes névroses aussi, enfin j'imagine. Oui, voilà, enfin en gros c'est faux, enfin bref. Et donc ça parle, c'est assez court, quoi. Et mais c'est vachement pareil, vachement touchant, intéressant et tout. Et c'est sur la chaîne YouTube Saul Pancake, Saul comme l'âme et pancake comme un pancake. Okay. Qui est, alors c'était un site internet à la base et maintenant c'est aussi une chaîne YouTube et je crois qu'ils font d'autres choses, notamment des bouquins. Et ça a été créé par le bouquin. ça a été créé par Rainn Wilson, qui est l'acteur qui joue Dwight dans The Office. Voilà, c'est lui qui a produit ce documentaire et tout, et il fait plein de trucs en plus. C'est pour ça qu'on le voit notamment dedans, quoi. Et voilà, c'est vachement bien. Je vous conseille d'aller regarder ça. Il y a plein de gens un peu connus. Il y a Sarah Silverman, il y a Chris Gethard, il y a Rachel Bloom qui joue dans Crazy Ex-Girlfriend, tout ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens. Voilà, c'est vraiment cool, quoi. Trop bien. Très bien. Pierre Laps. Oh, Pierre Laps. Pierre Laps. Bah moi, c'est qui un hashtag de Pornhub. Ouais. C'est un prolapse avec mon visage. Pardon. Pierre Laps. Oh, ça va. Oui, bah alors quoi. Waouh, je me sens offensé. Pardon. Non, mais moi j'adore quelque chose dans la vie, à savoir le gaming. Ah là là, parce que je suis un gamer. Bah ouais, ouais. Et j'ai joué récemment à Super Liminal, qui est un jeu. On avait parlé dans le club il y a très longtemps, pour les vrais club. Qui sachent. Et Super Liminal, c'est un espèce de jeu puzzle game. Je parle bien dans le micro. Ah, c'est fou, vous avez tous ce tic. À chaque fois que je monte. Ouais, mais peu... ça va. Oui, mais bon, écoutez. Ok. Super Liminal. Donc c'est un jeu où tu joues avec les perspectives, à savoir que par exemple tu vas prendre cette canette qui est juste à côté de Flaubert, vous ne voyez pas. Non non mais vous imaginez. Voilà, pour moi elle est taille normale. Voilà. Ouais. Et par exemple mais si je le mets dans un endroit de la pièce comme ça, bah avec la perspective, cette canette va devenir immense. Ah oui. Ou petite. Si je la rapproche de vous, elle est immense. Et si Exactement. Je l'éloigne, elle est plus petite. Et donc ça c'est la mécanique de jeu et en fait. C'est absolument c'est la vraie incroyable. Vie, de quoi, pardon? C'est vrai vie simulator. Fin, c'est... Alors, oui et non, car cette canette va peut-être te servir à aller dans une autre pièce en te téléportant, un truc comme ça. Vu que tu rapproches la canette, elle est... En fait, vu que la canette se rapproche de toi, elle est plus grosse, donc tu peux sauter sur la canette vu qu'elle est géante. Dedans, un truc comme ça. Donc, en fait, tu joues avec les volumes, en fait. Ouais, j'ai compris. Et derrière tout ça, bon, après, il y a un truc un peu. Post-ironique qu'on a pu voir dans les jeux comme Portal où il y a une petite voix sur Mario. Une petite voix qui dit ah bah bienvenue dans le truc machin les couilles et derrière ça il y a un peu un discours un peu méta qui peut faire ouin ouin genre ça mais genre à savoir dans la vie il faut savoir changer face à un problème il faut savoir changer de perspective et tout comme ce jeu là dans le cercle des potes disparus exactement au capitaine mon capitaine ah je vais chialer. Et donc ce jeu vraiment il peut être effrayant vraiment enfin il est vraiment foncedé à des moments et à la fin tu te fais choper et c'est très émouvant et c'est sur le un petit spoil Simer. Non, c'est émouvant, c'est émouvant. C'est émouvant, mais c'est. Ah, mais j'ai eu peur parce que ah, j'ai dit c'est émouvant, genre ça bouge. Non, je disais que c'était un spoiler un peu. De la fin. Ah non, je vais pas te dire grand chose, t'inquiète, je t'ai rien dit. Mais y a, en fait, vous passez par plusieurs étapes, comme dans la vie en fait. Oh là là. Et c'est sur le. C'est le matin, je suis sur quatre pattes. Et l'après-midi, je suis sur trois pattes. Et le soir, je n'ai plus de pattes. C'est la mort. Non, mais c'est sur le Epic Store. Et n'hésitez pas à utiliser le code créateur Pierre Lapin. Alors attends, l'Epic Store, qu'est-ce que c'est? L'Epic Store, c'est le nouveau launcher, lanceur de jeux Alors, vidéo. Alors attends, launcher, c'est lanceur, je viens de le dire. Oui, bah, ça va. Du calme. Alors, parce que là, j'allais faire une blague avec Ducasse, c'est vraiment la fatigue. Non, mais vous vulgarisez. Bon, bah, tu ne l'as pas fait. Donc, donc voilà, Epic Store, donc, qui est un lanceur de jeux vidéo comme Steam. D'accord. Voilà. Ou Origin. Ou Origin, merci Lou. Il y a des gamers ici, ouais, non c'est ça, je vois ça. Ou quoi, tu vas nous sortir quoi? Non, il y en a un autre, mais j'ai oublié. Un truc pour les jeux indés. Red Dead. Machin pour IO, je sais plus. Bref. Ouais, bref. Tu connais pas, t'es pas assez indé, toi. Pas cool. Pas comme PNL. Pas cool. Non, mais c'est pas grave. Mais je sens qu'il y a une petite animosité. Oui, il se passe un truc. Pas du tout. Alors, là, j'avais ramené mon petit livre de blagues et trucs comme ça. Alors, je pensais c'est parce que ça m'intéresse. Je pensais que c'était ta recommandation, Pierre, ce petit livre de blagues. Donc, achetez Super Liminal. Et sinon, on m'a offert récemment un. Il est pas sur Steam. Non. Ou alors il l'est mais t'as pas de code et du coup Non il est vraiment sur le Epic Store okay. Donc on est revenu à Super Liminal hein. Bien sûr et Epic Store code créateur Pierre Lapin, merci bien sûr. Pour avoir combien de pourcents? Bah moi je touche des oui c'est ça donc, je touche combien non, mais je veux savoir combien tu touches. Ah oui c'est ça. 10% oh là là c'est pas mal mais non tu touches directement Camille Cotin de... je sais pas je crois un truc comme ouais. ça ouais. Oh, la vache. Ouais oh, ça va écoutez c'est un podcast oui voilà. Et j'avais un black book, mais ce sera peut-être trop long en fait. Non, mais voilà, c'est un livre de black. Bah on a le temps, il n'y a pas de livre de temps. J'ai une petite relique en fait, à savoir, on m'a donné cette relique qui s'appelle le black book, qui était un. Blague. Black book, oui. Oui, non, mais c'est pour préciser, parce que ah oui, tu l'as dit vite, black peut-être book, les gens. Pardon, ouais, j'articule très mal. Non, pas du tout. Super. Donc ça date de 1987, et en fait, à l'époque, on ne peut plus rien dire. Je trouvais que c'était important de voir ces belles reliques-là. Et donc, y a des blagues donc, par ordre alphabétique de A à Z, avec des thématiques sur tous les mots. De mots. Et c'est assez fascinant de voir en fait bah, ces femme, blagues. S'il te plaît. Alors attends, oui, alors, parce que là j'ai assez peu de montage jusque-là et j'en suis assez ravi. Donc si tu peux te faire une espèce de mini. Dis-toi que t'es sur Twitch. Donc fais-toi une espèce de mini censure personnelle. Non, mais après, c'est pas lui qui a écrit le livre. Non. Oui, mais bon. Et pour savoir justement. On cautionne. On peut plus rien dire dans ce Bah voilà. Parce que moi, j'ai, en fait, j'ai fait un live Twitch hier où j'ai été bien décidé à pourfendre la tyrannie bien-pensante de Yann Barthès. Ouais, je t'écoute. Et donc, du coup, j'ai lu tout ça. Et il faut savoir, donc, Lou me demande d'aller à femme. Mais ce qui est fort, c'est que t'as pas besoin d'aller à femme pour que les femmes en prennent plein la gueule. Ah, super. Et c'est ça qui est, génial. Il suffit, suffit d'aller dans mon pieu. Ça, c'est dans le livre. Ouais. Pour qu'elles en prennent plein la gueule. Là, tu vois, genre, il y a. Ouais, c'est toi qui viens de le dire, ça. Non, ça, c'est dans le livre. Elle est juste page 84. Ouais, ouais. Je vais juste à Bouchon, B comme Bouchon. Vas-y. Est-ce qu'on peut deviner la chute ou pas? C'est mon jeu préféré. Ah ouais. C'est mon jeu préféré. Ouais, ouais, peut-être on... Alors attends, donc c'est une pute fait une gâterie à un touriste. Ouais. Bigard. Quoi. La pute là, dit donc, c'est curieux, j'ai un goût de bouchon dans la bouche. À vous de trouver la suite, la réponse de la personne. Ah bah tu m'étonnes, c'est du 30 ans d'âge. Je sors de prison, non, c'est pas ça? Non. Mais il est loin? De quoi? Il était loin, c'était ouais, bien. Il est loin, ouais. Ah, c'était trop ouais. bien. Je préfère cette chute. Alors, j'ai un goût de bouchon dans la bouche. Bah ouais, j'adore le vin. bon, grand cru. Alors, attends, grand cru. Alors, on revient en 87. Ah, c'est parce que t'as pressé mes raisins. Non, je sais pas. Waouh. En 87, bah, on repart sur les blagues éculées. Donc, en 87, qui est-ce qu'on aime pas forcément? Bah, c'est l'URSS ou quoi? Non. Alors, non, il faut savoir que c'est Pinochet qui prend plein la gueule. C'est les ouais. Chiliens. Mais qu'est-ce qu'on aime pas en 87? Le vin chilien. En 87, ça pourrait... Non, mais tu vois, les gens qui en prennent pour leur grade. Ouais, mais j'ose pas dire. Ah, non. Non, c'est nos chers voisins. Ah, les Belges. Voilà. Les Belges. Un goût de bouchon. C'est parce que je suis belge une fois. Non. T'es pas loin. Attends. C'est pas vrai. Attends, redis le début. Mais pourquoi bouchon? Alors, une pute fait une gâterie à un touriste. Ouais, c'est bien de remettre dans le contexte. C'est curieux, j'ai un goût de bouchon dans la bouche. Et il dit, parce bah que oui, j'ai une vu fois. Bière. Ah. Non. Bah oui, une fois, pour pas gâcher, je me suis mis un bouchon dans l'urètre. Ah. Elle est super. Elle est super. C'est trop progressiste, mec. Mais elle est là, super. Non. Parce que je voulais, j'ai l'image, elle est chouette. Elle dit, ça n'est pas impossible une fois. Je suis de Liège. Ah, trop non. Bien. Oh non. Elle est bien. Oh, j'aime bien. Bah elle est. Oh, elle est cool. Elle est pas mal. Elle est un peu. Elle est superbe. Elle est... on met un bouchon dans la bite. C'était ouais, autre chose. C'était... Ouais, voilà, d'accord. C'est beaucoup plus mignon. Qu'est-ce que je pensais? Peut-être que vous pouvez donner une lettre. Alors vas-y, F. Lou. F. Ah, tu veux vraiment femme? Axel F. Ouais. Oh, j'ai même pas fait que je fasse. J'avais déprime là. Alors, ah, vas-y, déprime. Ah, si. Il y a éthiopien. Oulala, là là, non. Oula. Wow. F comme. Bah, on va faire femme, non? On va faire non, quoi? Plus original. Impressionne-moi. Fa cochère, hein, j'aimerais une vanne là-dessus. Hein. femme cucheux. Et sinon aussi, il y a des petites phrases hein, de Jules et Edmond de Goncourt qui dit donc F pour fonctionnaire. Vas-y. Oh là là. La France est un pays d'une incroyable fécondité. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Oh, j'aurais pu la deviner celle-là. J'aurais pu la deviner. C'est vraiment éclaté au sol comme c'est des jeunes. Ah ouais. Frigidité. Ah, pas mal. Ah. Pas mal. C'est une alors, blague. Oui. Ok. On, vous on devinez la. Bah, ouais. Moi, j'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré. Quels sont les hommes qui disent que les femmes sont frigides? C'est ceux qui hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est la bonne intonation, mais c'est pas la bonne phrase. Ça, trois petits points. Du coup, là, c'est les hommes qui en prennent pour leur grade, là. Un petit peu. Okay. Parce qu'ils savent pas les chauffer. Ils savent pas où c'est les clitoris. Les hommes des glaces. Non. Clitoris dans un livre de 87. Non, ça existait pas à l'époque. C'était une légende urbaine à l'époque. Quels hommes disent ça? Arrivé en 2004. Quels sont les hommes qui disent que les femmes sont frigides? C'est ceux qui sont pas amis avec leurs voisins. Non, il n'y a pas une histoire de voisin, non? Pas de voisinage, non, okay. Vraiment pas. Oui, genre, qui disent que les femmes sont frigides. Ouais. Est-ce que c'est plus du domaine du jeu de mots ou plus? Il y a du jeu de mots, exactement, il y a du jeu de mots. Ah, ce sont des petits glaçons. Waouh. C'est pas ça. Non. C'est des fanfarons. Non, ça vient pas. Ça a rapport avec le frigidaire ou pas? Non, quitter vraiment frigide. Alors, c'est bah quoi? C'est dommage. En fait, non, mais je veux dire. Donc, est-ce que ça a un rapport avec le froid, le jeu de non, mots? Non, vraiment pas. En fait, d'accord. Non, la frigidité, c'est vraiment la, pas la rapport meuf qui fait la reine des neiges ne sera pas virée après cette blague. Ouais. L'appétit sexuel, donc qu'est-ce qui pourrait te turn-up un peu en tant qu'une femme? Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui excite les femmes? Ah, ils ont pote, si je le savais. C'est des. Ils ont une. C'est des. Ah, une petite bite, quoi. C'est pas l'histoire de qu'on les écoute, on écoute. On est en 87. Ouais, c'est juste. Ah oui, non, ils jouissent vite, quoi. Non plus. Ils sont pas musclés. Quel est un attribut masculin? Non, un la attribut. Bite. Non, pas du tout. Je suis très hétéronormé, excusez-moi. Quel attribut dans le genre humain peut nous aider à faire jouir quelqu'un. Les doigts ? La langue. La c'est langue. Des, la langue. Ah, des langues les mauvaises de langues. Les mauvaises langues. Ah, ce sont les mauvaises langues. Incroyable. Bravo. Ce sont des mauvaises langues. Pardon. Voilà, donc est-ce qu'on peut l'acheter sur eBay, moi c'est ma question. Non, je ne pense pas. Donc c'est je fais un gros shout-out à Melodo qui est une flûte Castaldi. Oui, parce que je regardais la dédicace, oui, dans c'est Melodo qui te l'a offert. Et voilà, Melodo qui me l'a offert et qui Melodo qui est connu du flûte cast d'ailleurs. Bien sûr, elle est sur le Discord dans lequel vous pouvez rejoindre à tout moment, vous donnez du travail et... aux gentils flûte Castaldi qui doivent faire les modos, mais je crois que c'est ça. Donc le Black Book, c'est très bien, donc des blagues tout droit sorties de 87. Donc si vous pouvez vous le procurer, c'est incroyable. C'est rigolo, c'est le jeu qu'on avait fait avec des carambars, c'est drôle, qui sont devant nos yeux, qu'on avait fait quand, dans le tout premier Floodcast. Il y a déjà 5 ans. Est-ce que je vous ai fait une dernière M comme morpion. En Australie, nous avons des animaux qui sautent sur la queue, ça s'appelle des kangourous. Ah, nous en France, on a ça aussi, mais ici ça s'appelle des morpions. Ouais, voilà. Elle est bien. C'est facile. Ah, elles sont pas mal. Vous pouvez pas deviner la chute là. Ouais. Pardon. Pas mal. Vous avez pas vu, mais Pierre s'est jeté en arrière et a mis la bière à sa bouche. Sa journée est terminée. Loup. Oui. Je sais qu'à passer après ça, c'est toujours un peu compliqué, mais quelle recommandation culturelle as-tu envie d'offrir au monde ? Eh bien, j'en ai deux. Je t'en supplie. J'en ai deux. La première, c'est une pièce de théâtre que je suis allée voir qui s'appelle En garde à vue. C'est à Paris, désolé pour ceux qui n'habitent pas à Paris. Grosse pièce, ils vont peut-être faire une tournée, hein. Je crois que c'est. J'espère. En fait, dedans, il y a Thibaut de Montalembert avec bien qui j'ai travaillé sur L'Employé. Et en fait, c'est à la sortie. Et qui est dans 10%. Qui est dans 10%. Et l'effondrement. Voilà. Et l'effondrement. Et qui est Benjamin Biolay, vieux aussi. Oui, non, mais voilà. Ah, il y a quelque chose. et donc, en fait, on a travaillé ensemble sur L'Employé. Et après la première de L'Employé, il m'a dit viens me voir au théâtre. Et j'ai fait grave. Et du coup, je suis allée le voir au théâtre. Et c'était super bien. C'est en fait, En garde à vue, à la base, c'est un film d'Audiard avec Michel Serrault et Lino Ventura. Voilà. Ouais, qui est un film incroyable. Et Romy Schneider. Oui, c'est ça, excuse-moi. Exactement. En fait, je ne l'ai pas vu. Donc, je n'avais pas. Parce que c'est un film un peu à plot twist, quoi. Donc, quand on va voir la pièce, pareil. Hein, voilà. Il y a du suspense et tout. Oh là là. Et donc, j'en ai profité pleinement. Et c'est très bien joué et c'est très chouette. Voilà, pour donner le pitch sans trop en dire, effectivement, c'est qu'il y a quelqu'un qui est accusé de quelque chose, voilà. Et on essaie et tout l'accuse. Donc en garde à vue. Voilà, qui est en garde vraiment à vue. Tout l'accuse, quoi. Tout l'accuse, et c'est un débat entre eux. Le film, par exemple, Au Poste est assez inspiré de l'ambiance de ce film-là. Non, mais c'est vrai. Ah bon, d'accord. Non, c'est vrai, non, c'est pas une blague. J'ai pas dit des films de flics comme ça. Non, Au Poste est un peu inspiré. Non, mais Dupieux, le site, comme une des références qu'il avait en termes de mise en scène, en tout cas. D'accord, ok. Oui, je l'ai lu. Donc voilà, donc ouais, garde à vue qui se joue, voilà. Tu sais combien de temps, assez longtemps encore. Ouais, qui se joue encore en ce moment à Paris, dans un théâtre au 17e de théâtre Héberto. Très bien. Voilà, j'ai une deuxième reco. Alors, est-ce que c'est culturel ? Je ne sais pas. Pour moi, oui, parce que pour moi, la culture d'internet, c'est de la culture, ok. Bien sûr. Donc, chez toi. Voilà, je connais un compte Instagram qui me fait délirer, qui s'appelle, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Métavision. Non. Alors franchement, vous allez vous régaler. Vraiment, j'ai mis 4 R à régaler. Parce que, vraiment, Métavision, M-E-T-A tiré du bas, vision. Et en fait, c'est une personne qui tient ce compte et qui assemble des photos, qui fait des carousels, voilà, ou qui assemble plusieurs photos et qui te font bugger le cerveau. Où c'est assez thématique. Souvent, c'est des animaux. Souvent, c'est des gens qui utilisent un objet d'une manière bizarre. Et en fait, c'est complètement délirant et ça me détend le cerveau et ça me fait rire et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais le partager. Eh bah écoutez, vous pouvez y aller sur c'est Instagram, très, très bien. Attends, qui est une application si que je vous offre. Il y a une flashlight avec club au bout, quoi. Il y a des beats énormes dans des... Ouais, bon, écoutez. Bon, pour moi, c'est what the fuck. Ouais, vous vulgarisez. J'adore ce compte. Tu dis, ça me détend le cerveau. Là, c'est un alpiniste qui baisse le froc d'un autre. C'est un mec qui se rase dans Space Mountain. Alors, je ne l'ai pas vu, celle de la pénis, mais j'adore cette photo et je sais laquelle c'est. Je la trouve trop marrante. Ouais. Il y a un gars qui chie sur le dos d'un chien. Enfin bon, ouais, c'est très sympa. Détend le cerveau. Ouais, ça me détend. Moi, après le travail, je me mets un truc. Chacun son truc. Quoi. J'avoue merde. Que, avec la description, je m'attendais à un truc assez artistique. C'est moi, après la pièce de théâtre, je m'attendais à un truc. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, mais ça ressemble un peu au conte No Eloquence. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, là, oui, je vois. Ça me fait penser à ça un peu. Labo Hero. Ah, je connais pas. Mythe, tes recommandations ? Labo Hero. Non, ça c'est pas ma recommandation, c'est un peu trash. Mais vous pouvez le suivre si vous aimez rigoler un peu de manière un peu dégueu. Mes recommandations, moi j'ai vu un documentaire qui était vraiment pas mal et inspirant qui s'appelle Le Général Magic. qui est en fait sur l'histoire de, donc il y a eu Apple saison 1 dans les 80s où ils ont fait le Mac, Macintosh, Macintosh. Ouais. Ensuite tout le monde s'est barré, il y a eu faillite et compagnie, et en fait ils ont il y a toute la bande Mac, tous les créatifs qui sont barrés, qui ont créé en fait une boîte, et ils ont inventé l'iPhone avant tout le monde. Sans qu'on le sache, dans les années 90, entre 90 et 94, et ils ont inventé en fait un iPhone, c'est-à-dire qu'ils se sont cassés le cul, eux, dans des bureaux, c'était l'époque Silicon Valley, tu sais, des bureaux, tout le monde dort par terre, etc. Et ils créent ce truc-là, et en fait, ils créent un outil 20 ans trop tôt, quoi. Enfin, 20 ans. Mais pourquoi c'est pas sorti ? Pourquoi c'est sorti en fait, mais c'était un flop monumental parce qu'en fait la technologie elle n'était pas au level de leurs ambitions, et des idées qu'ils avaient. Mais alors que tu regardes en fait ce qui est incroyable dans ce truc, et c'est un des premiers trucs qui monte dans le docu, c'est en fait leur schéma, tu vois, de ce qu'ils veulent faire. Et en fait c'est un iPhone, quoi, tu vois, c'est-à-dire c'est une boîte de cette taille là dans lequel tu as ton agenda, tes contacts, tu peux téléphoner, tu peux tout faire. Et en fait, ils avaient eu l'idée de ce truc-là. Et en fait, maintenant, tous les mecs qui sont dans le docu, ils sont embauchés chez Apple, Amazon, enfin tous les pontes d'Internet. Et en Floodcast, puisqu'il y a Méniel qui était, vu que t'es un passionné de tech. Ouais, j'avais eu l'idée du bouton. Ouais. Qui est plus d'ailleurs sur l'iPhone. Il est deg, hein, il est deg. Il est deg. Non, mais en fait, ce qui est au-delà du truc, ce qui est la bonne anecdote et le bon docu, c'est que c'est méga inspirant parce qu'en fait, ces mecs-là, ils sont pas du tout dans le côté genre c'était horrible, on s'est fait voler notre idée, on n'a pas sorti. En fait, ils sont assez heureux d'avoir eu une assez bonne idée dans leur vie qui a pas révolutionné. Leur idée était juste. C'est un peu sur ce truc d'avoir une bonne idée et de pas vouloir forcément en faire de la thune ou de. Ouais. Tu vois, c'est assez cool. Et le deuxième truc. Comment ça s'appelle, tu dis ? General Magic. C'est, okay. C'est le nom de leur boîte. Je sais plus qui fait ça. Je sais plus quel. Bon, vous trouverez. Google est votre ami. Comme ça se prononce. Et je joue à Death Stranding. Et c'est bien. Ça me rend méga heureux en fait. C'est trop bien. J'ai commencé aussi. Quel est le principe ? Le principe en fait, c'est vraiment un jeu vidéo. Faut pas, tu sais, ils disent que c'est révolutionnaire, c'est pas révolutionnaire. Okay. Mais en fait, c'est là où il est fort le mec, c'est comme quand tu regardes un bon film, sa manière de concevoir, je sais pas, moi je dis un bon jeu vidéo, c'est quand tu oublies que t'as cette manette et que t'es dans un jeu, quoi, et que tu penses à, attends, il faut absolument que j'aille looter un truc là-bas et faire ceci cela. Là, tu te mets devant le truc et en fait, oui, après l'histoire en elle-même, c'est t'es un peu dans un monde post-apocalyptique, mais bien loin, ça a bien été dévasté. Et en fait, tu dois, pour reconstruire les États-Unis, aller un peu quasiment bénévolement porter des choses d'un endroit à un autre. En fait, reconnecter les gens. T'as joué ? Bah oui. Ouais. Et en fait, je sais pas exactement pourquoi, mais le premier jour où j'ai joué genre 6 heures d'un coup. Moi, je fais des grosses sessions. J'ai pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo, mais quand j'ai du temps libre, du coup, je fais des grosses sessions. Et en fait, j'ai fait des rêves trop bien. Ah ouais. Et ça m'a rendu super de bonne humeur et heureux. Je sais pas pourquoi. Visuellement, incroyable. Mais d'habitude, par exemple, genre Red Dead, tu vois, ça, je m'étais pas dit, c'est beau, tu vois, mais je me suis dit, genre, ah ouais, les montagnes et tout. Ouais, c'est beau, mais ok. Là, en fait, j'ai vraiment des émotions, en fait. Ouais, je suis d'accord. Comme quoi, on se foutait de sa gueule, mais bien joué. Kojima. Il est super. C'est super. Bah écoute, on le conseille. Je pense qu'il y en a plein qui ont déjà commencé. N'hésitez pas, mon code créateur sur. Bien sûr, c'est qui est Midos. Midos. Et bien, quant à moi, alors pareil, c'est une. Alors, c'est un peu parisien, mais en même temps, je vais vous dire des titres de films que vous pouvez regarder. Le Centre Pompidou fait une grande rétrospective du réalisateur Richard Linklater. Vous connaissez peut-être pas le nom de Richard Linklater, mais c'est un cinéaste très important dans le cinéma indépendant américain, puisque c'est un de ces gars qui a fait des films très Sundance. Il a même, il vient du Texas, d'Austin, et il fait des films qui sont très verbeux, dirons-nous, mais qui ont une espèce de mood et d'ambiance qui moi me touche particulièrement, qui est très américaine, mais où ça parle de la vie, tout simplement. Ça peut paraître très con et très large, mais c'est vrai. Et vous avez sûrement vu un film de lui qui est très connu, parce qu'il arrive, en fait, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il fait des films très personnels, un peu chelous, et aussi des gros films pour des studios. Il a une façon de faire qui rappelle même celle de Steven Soderbergh, par exemple, qui faisait ça aussi. Le film le plus connu qu'il a fait, c'est School of Rock avec Jack Black. Ah oui, qui est un très chouette film. Ouais, qui est super. Mais c'est aussi le mec qui a fait Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight ou Boyhood. Génial ça. Boyhood. Non, vraiment. J'ai vu. Et il a fait plein de films, Scanner Darkly, et plus récemment Last Flag Flying. Enfin, il a fait vraiment beaucoup de films. Mais beaucoup que j'aime énormément et même ceux que j'aime moins, il y a toujours une tentative que parfois j'accroche pas, mais tu au moins. Salues. Je... Ouais, non, mais je suis en mode genre surtout putain, tu te fais chier à faire des trucs et enfin, son cinéma me touche beaucoup, il m'a beaucoup influencé. Et alors, le Centre Pompidou lui rend hommage et donc diffuse l'intégralité de ses films en rétrospective, tout pour un prix. Des sur toute concurrence pour chaque séance, et il y a même un vernissage d'une exposition. Là, il y a une exposition, pardon, que le vernissage c'est le 25 novembre. Il y a une exposition qui est donc dans le Centre Pompidou jusqu'à janvier, je crois. Il y a des séances exceptionnelles avec Richard Linklater lui-même qui sera présent pour présenter des films. Il y a aussi Ethan Hawke et Julie Delpy qui vont présenter des Before Sunrise dans lequel il jouait et compagnie. Et Linklater qui fait du coup le 30 novembre une masterclass au Centre Pompidou, et c'est gratuit. Alors, je salue l'initiative. Et j'en profite pour vous conseiller le livre Richard Linklater, cinéaste du moment. Alors regardez ses films et lisez ce livre qui sort en même temps que l'exposition, qui est là pour le coup et dispo dans toutes les FNAC et toutes les librairies, que j'ai acheté moi-même, qui est ici même. Non, ici même. On le voit. Et donc voilà, ça coûte 14 balles et je vous invite à regarder tous ces films. Il y en a un peu sur Netflix, un peu en DVD. C'est trouvable assez facilement. D'accord. Voilà. Tu nous donneras le link later pour le télécharger. Wow. Bah ouais, c'est super. T'attendais. Je l'avais depuis deux bonnes minutes. J'ai pas dit link later. Et en fait, j'ai si pas t'as besoin d'un taf, tu pourrais aller sur LinkedIn later. Ouais. Bah je vais pas y aller tout de suite. Je pense je vais cliquer sur ce link later. C'est la même blague que moi un peu. Oui, mais j'ai rajouté later. Non, moi j'ai dit link. Ouais. Genre, le jeu vidéo. Écoutez, j'ai écrit 17 chansons de Damien Seize. Et toutes ces putes. Bah écoutez, mais d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, dans Zelda, il y a Link. Ouais, ça va. Autant la princesse était vraiment cool, autant il avait vraiment, c'était vraiment un connard le héros. On l'appelait Link le hater. Ah ouais, ok. En fait, j'ai failli faire genre non, et en fait, ouais, si, bien sûr. Ou alors, faut cliquer sur ce link. Mais later, celle-là elle est bien, ouais. Mais non, incroyable cette phrase. Elle est marrante, hein. Bon les amis, merci beaucoup, je fais un dernier tour de table pour connaître votre actualité réciproque. Pierre Lapin du Twitch Shows, réciproque. Respective. Pierre Lapzouz. Moi vous pouvez me retrouver bientôt avec un nouvel event justement pour le Téléthon Gaming. Alors est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors vous êtes conviés hein, tous, bien évidemment. Et donc ce sera le samedi 7 décembre de 14h à 2h du matin. Ouais, sur la chaîne Twitch maintenant France TV. Et donc on va avoir besoin de soutien. Chacun peut venir aussi streamer pour nous à partir du lundi 2 décembre, où tout le monde peut créer sa cagnotte et récolter de l'argent pour la cagnotte globale. N'hésite pas à bailler encore plus Adrien Méniel. Personne n'était au courant. Oh, voilà. C'est de ouf. Moi j'étais au courant et ça suffisait en fait. Après du mixage, tu coupes ton micro et pas du tout. Comment ça? Mais tu surévalues la post-production de cette émission. Ça reste c'est possible. Blues. Après, bref, tout le monde, si vous êtes streamer, tu es feignant. Si vous êtes streamer, créateur et tout ça, vous pouvez nous aider à récolter des sous. Sinon, t'auras pas un sou en fait de ma part. Okay, en vrai, tu sais quoi, Adrien, j'ai besoin de vous parce que pour rappel, il y a Rémi Gaillard et Zerator qui fait un event sur Twitch juste en face. Donc, ça va, pour éviter une humiliation à ses conséquences, n'hésitez pas à venir sur le live. Il y aura Adrien, Flaubert, Lou, Mid, tout le monde, les salut. Gens. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et sinon, pas sûr de venir, moi. Si, alors... Peut-être passer chez Zerator et Tu te rappelles mon tatouage de beurre que j'ai sur le mollet. Tu l'as, c'est bon. Oui, bah oui. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler cette anecdote quand même? Alors, si on dépassait l'année dernière, donc c'est ma troisième année du Téléthon Gaming, et donc l'année dernière, si on dépassait le cap des 51 000 euros, Adrien Méniel devait me faire un merveilleux dessin pour me le faire tatouer. Et 8 mois plus tard, suite à de nombreuses relances, Adrien Méniel, exaspéré, m'envoie un dessin. Non, pas exaspéré. Je fais une blague. Je t'ai harcelé quand même un peu. Oui, mais à juste titre. Oui. Et il m'envoie une mode de beurre. Alors, faut savoir que. Sur iPhone. Il faut savoir que tu adores le beurre. Voilà, car je suis breton. Voilà. On l'appelle. Et donc, je lui dis, tu sais que je vais le faire. Il me fait genre, non, attends, jeudi, là, je suis en train de tourner. Et vas-y, je te fais un dessin. Donc, jeudi passe, ça passe pas. Il dit, non, mais attends, lundi, passe. Le temps passe, et puis, je vais voir un pote tatoueur, et je me suis fait une mode de beurre sur le mollet. Et tu t'es fait tatouer la fiche du podcast, du coup. Alors. Qui est en lien dans la description, bien sûr. Cette fois-ci. Adrien, Est-ce que l'affiche sera en lien cette fois-ci? Mais j'ai dit que je le faisais cette semaine, je vais le faire. Voilà, semaine, donc voilà. Vous allez vous crever tatoué avec l'affiche du podcast. Donc voilà, petite anecdote. Ouais, donc, un dessin pourri que j'ai fait sur mon iPhone, il l'a tatoué sur le mollet. Est-ce que ça te touche quelque part? Oui, bah bien sûr. Mais moi, ça me touche les yeux, j'ai pas à me faire chier à faire un vrai dessin et tout. Voilà, c'est ça. Non, mais en plus, tu sais que pour info, j'ai vraiment. Je pourrais te montrer les vraies tentatives de dessin que j'ai sur mon iPad. Mais c'est un perfectionniste, Adrien, c'est vrai. J'étais pas content de ce que j'avais fait. Voilà. Bah, besoin d'être fier, en fait. Je me ferai dans le dos cette année si on dépasse les 100 000 euros. Ouais, bon. Waouh. Wow. Ouais, ok. Ouais. Zérator en face, quand même. Ah, pas de problème. Mid, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver, bah, j'ai ma nouvelle, une résidence au Rex en fait. Exactement. Qui est ma fête en fait depuis le Excuse. Début de l'année. Le Rex me donne les clés du club pour inviter qui je veux et faire ma fête. Ouais. Et non pas l'humoriste Tex. Non, à une lettre près. Mais il est invité, il est sur liste. Et du coup, j'invite, là, cette fois-ci, j'invite Simian Mobile Disco. Ah ouais. Breakbot. Ah ouais. Sam Tiba, mon collègue de Club Cheval. Bien sûr. Masterfield, qui est un excellent DJ parisien. Masterfield Collins. Et ainsi que ça le ferait marrer. Si il nous écoute. Et en fait, je pense trop aux gens qui écoutent. Vous avez l'habitude. C'est ça, ouais, l'empathie. C'est, non. Ouais. La force de ce podcast, c'est qu'on n'y pense absolument pas. Et moi-même, et du coup, ouais, pour l'occasion, on redécore un peu le Rex, on fout des piñatas avec ma tête, on va les casser, on va rigoler. Et surtout la musique, enfin, c'est. La musique au centre de cette soirée. Wow. Non, mais c'est une sorte de fête un peu mégalo, assez cool. Est-ce que c'est ton anniversaire? Bah, quand, à ma résidence, c'est un peu toujours mon anniversaire. Wow. D'accord. Trop bien. Wow. Ouais. Donc vous êtes les bienvenus. Autour de cette table, vous êtes invités évidemment. Ah merci. Derrière votre vos écouteurs, vous n'êtes pas invités, ouais, mais vous pouvez. Mais je serais content que vous veniez. Ouais, voilà. En tout cas, on va bien rigoler. Trop bien. C'est quand? Là, c'est ah ouais, mais j'ai pas dit la date. Même le meilleur mixeur là, c'est trop compliqué hein, quand même. Bah, ouais, au moins moi je suis et je le relance parce qu'il avait pas dit la date et ce serait passé comme ça et on n'aura jamais su. Eh ben rendez-vous le jeudi 5 décembre les amis. Et juste avant que ton gaming. Exactement. Oh là là. On va cluber. Non. Ah, non, non, on se repose. Laisse-moi. Si jamais. Je plaisante. Vas-y Pierre. Non, pardon, je voulais juste rectifier. Ça ne s'appelle pas le Téton Gaming, mon event, mais mon event, exclusivité, s'appelle En avant l'espoir. Oh, l'espoir. Ah, l'espoir. L'espoir. L'espoir. Très beau jeu de mots. Parce qu'il y aura des poires. Comme la belle. La belle espoir du prince de Motordu. De Motordu, de Pef. De Zep, Pef. Non, ni l'un ni l'autre. Non, c'est Pef. Ah ouais, oui, bah, il s'appelait Pef. Mais c'est pas le même que. Non, c'est pas le mec des Robin des Bois, mais il s'appelait Pef. Vous connaissez ce livre? Bien sûr. Bien sûr. La belle espoir du prince. Un classique. Et bah voilà. Donc ton. Donc c'est ouais, c'est un rapport avec ça. En avant l'espoir. Et c'est un jeu de mots entre espoir et e-sport. Exactement, parce que j'aime les choses un peu ringardes et désuètes. Mmh. Alors que là, alors je vous laisse compléter la phrase. Si à l'esport, à l'espoir, tu fais plus de 100 000 euros, le jour d'après à ma fête au Rex, je ferai. Mais non, c'est toi, c'est avant. C'est toi, c'est avant, c'est terrible. Toi, c'est avant. Salut. Allez. Merci à tous. Ah non. Ah ouais. Ah, je suis un peu triste. Je fais un portrait de Mid et tu te le tatoues sur les fesses comme mon frère. Et en plus de ce que j'ai compris sur sa chaîne, c'est assez simple à enlever. Ouais. Sur les fesses. Ah non, bah, tu non sur le mollet. Sur le mollet. Sur le mollet. Sur la plante du pied. Ah mais t'es ouf, ça sert à rien. Ça c'est 100 000 balles, mon pote. Ça s'efface en plus. Non mais je me fais sur le mollet, Mid, si tu veux. Si on atteint 100 000 balles, je vois que t'es pas tout à fait dévoué à ta cause, Pierre, sans vouloir. Non, bah c'est bien. Bah, si tu veux pas récolter des fonds. Ouais. Mais non, mais je le dis, je fais sur le mollet, Mid. Pour 50 balles, je viens. Déjà. Lou. Oui. Ton actualité prochaine et récente. Alors, bah, vous pouvez me retrouver du coup sur Spotify, dans l'employé. L'employé. Voilà. Quoi d'autre sur ma chaîne YouTube. T'as sorti une vidéo il y a pas très longtemps. J'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps, un épisode d'un format qui s'appelle Ici la voix, où on discute de doublage avec des acteurs ou des actrices. Et là, j'étais avec Dorothée Pousseo. Ah, bien sûr. Et on a fait un épisode en deux parties parce qu'on a vraiment bien rigolé. Je me suis dit, oh, allez, faut tout mettre. Trop bien. Donc, voilà. Elle double qui c'est qui Pousseo? Dorothée Pousseo, elle double tellement de gens. Ouais, elle double Margot Robbie, elle double les sœurs Olsen, elle double Didi dans Dexter, elle double les annonces de Disney Channel aussi. C'est elle qui fait. Et maintenant, Nadine Yana. Elle fait Vanellope dans Les Mondes de Ralph. Elle fait moi depuis le début de ce podcast. Ouais. C'est Dorothy. Elle fait Tracer dans Overwatch. Tracer dans Overwatch, voilà. Et elle est pas aussi directrice artistique, enfin genre réalisatrice. Ouais, elle fait de la DA aussi. Ouais. Ouais, elle. Et vous avez pu entendre dans l'épopée temporelle, elle avait un des rôles principaux. Tout à fait. Voilà, tout simplement de Cyprien. Oui. Cyprien First, je vous le rappelle d'ailleurs. Et Méniad. Oh bah moi. Non. Non, moi j'ai fini mon tournage. Bah, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais annoncer. Je vais me reposer, voilà. Pour, en attendant la suite, on va peut-être avec Jérôme Niel essayer de relancer un projet pour lequel on n'a plus de nouvelles. Faut que je parle d'un truc aussi, avait, moi. Qui nous avait. Ouais, bah voilà. Ouais. J'ai mon actu, je vais faire voilà. des trucs. Voilà. Non, mais j'ai rien qui va. Bah si, enfin, il y a le sketch là qui est sorti dans le Bagel Show, mais on va attendre que ça sorte sur YouTube parce que voilà. Et puis bah voilà. Et puis en avant l'espoir, du coup. En avant l'espoir. Le bénévolement. 9 janvier 7 décembre Non mais le 7 décembre, attends, parce que le podcast du coup sort le 25 novembre. Oui, donc on aura le temps d'en reparler. On en reparlera dans le prochain. Puisque voilà. Bah écoutez les amis, merci beaucoup. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. C'était cool, hein. Bah, oui. Bah, c'est gentil, ouais. C'est trop bien. Et puis bah, bonne soirée à tous. Bon bisous, au revoir, ciao. Bye bye. Code créateur pire lapin. Chapeau.